produit territoire. Avec ça, le champ est assez large. Dans cette QMR, nous avons une équipe qui s'appelle Proximité, qui travaille sur les phénomènes de proximité entre les activités agricoles et des activités autres qu'agricoles, notamment les proximités dues à la ville, au phénomène donc de l'agriculture qu'on va dire périurbaine ou urbaine. Donc là, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est un exposé relativement court, hein, je pense que ce sera intéressant, ce sera de répondre à vos questions, peut-être d'avoir vos observations aussi. Donc qui va concerner les travaux que nous sommes en train de mener sur l'évolution de ce qu'on appelle les circuits courts. On va revenir sur cette notion. Et spécifiquement l'Île-de-France, qui est un peu notre terrain de jeu privilégié, même s'il est loin d'être exclusif. Et on va regarder ces circuits courts du côté des producteurs agricoles essentiellement. Donc, je parlerai peu de consommateurs dans l'exposé qui suit portant sur les AMAP. Claire aura l'occasion de parler plus du côté consommateur que moi. Donc, je vais vous présenter d'abord une introduction générale, puis l'état actuel et les évolutions en cours concernant les circuits courts dans la région d'Île-de-France. On verra que ce n'est pas qu'il y a des choses spécifiques, mais il y a des choses qui sont très générales. Et ensuite, on verra un petit peu, on est dans une université, on est dans un centre de recherche, quels sont le type de questions que ces phénomènes-là posent à la recherche dans différentes disciplines. Donc ça n'a aucune prétention à l'exhaustivité, simplement on va essayer de balayer quelques-uns des problèmes importants. Bon, alors je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes dans un monde en urbanisation croissante, simplement à vous rappeler qu'on a passé en 2007 la barre des 50% de la population qui vit dans les villes, et que les prévisions de 60% en 2030 seront très certainement exposées. Ce phénomène mondial a conduit quand même de plus en plus les chercheurs et le développement, notamment le développement agricole, à s'intéresser à ce qu'on appelle l'agriculture périurbaine, donc autour des villes, que moi j'appelle plus souvent l'agriculture urbaine, mais on reviendra éventuellement, si vous voulez, sur cette définition. Alors, je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a eu quelques, par exemple, pour donner quelques exemples et quelques indicateurs, il y a eu un colloque ici même à Nanterre, pas dans ce bâtiment, dans un autre, en octobre 2007, qui portait justement sur l'agriculture périurbaine. On a eu en février 2008, donc en moins d'un an, il y a eu trois séminaires importants portant sur ces questions, qui s'appelaient Rurality Near the City, à l'université de Leuven, et puis tout récemment, à Wageningen, aux Pays-Bas, un séminaire portant sur les transitions dans l'agriculture à proximité des villes, avec une question portant sur la durabilité de cette agriculture. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, mais bon. Alors, dans cette agriculture périurbaine, quelle est la place finalement des circuits courts de production de produits alimentaires essentiellement? Déjà rappeler que la fonction alimentaire de l'agriculture périurbaine, c'est une fonction traditionnelle, et ça au niveau du monde entier, hein, ce qui se traduisait souvent, en particulier dans les pays européens, par ce qu'on appelait les ceintures vertes, et qui était essentiellement orientée vers la production de produits alimentaires périssables, facilement périssables, type produits maraîchers, fruits, etc. Alors, cette fonction alimentaire de l'agriculture de proximité, elle a quand même fortement décliné au cours du XXe siècle, déjà dès la fin du XIXe, dès l'apparition finalement de moyens de transport relativement rapides comme le train, puis au XXe avec l'apparition notamment des transports frigorifiques. Et ça a été corrélatif de l'internalisation des marchés agricoles et de la montée de ce que nos collègues anglo-saxons appellent le « globalized agri-food system ». Alors très très localement, ça s'est traduit par la construction par exemple dans la banlieue parisienne à Rungis d'un marché d'intérêt national énorme, qui est le plus grand d'Europe, et certains disent même le plus grand du monde, ça ne sait rien, je pense qu'on va être assez vite enterré par d'autres pays, notamment émergents, sur ce sujet. Mais en tout état de cause, ça veut dire qu'au cours des années, disons la fin du XXe siècle, ces circuits courts en agriculture périurbaine, on a plutôt l'impression qu'ils ont décliné. Toutefois, ils n'ont pas totalement disparu. Alors, voilà une vue de Rungis. Effectivement, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est assez impressionnant. Alors, ça a été déclinant, certes, mais ça n'a jamais vraiment totalement disparu. Et on se pose maintenant, dans différents pays d'Europe, des questions sur ce qu'on appelle la re-territorialization of the food production. Donc la re-territorialisation, le rapprochement hein, de la production alimentaire des consommateurs. Et ça se pose dans notre pays et dans cette région comme ailleurs. Alors là aussi, quelques indicateurs. Hein. Le rapport qui vient de sortir au niveau du Conseil régional d'Île-de-France sur l'agriculture périurbaine, hein, donc au mois de juin 2008, donc signé par M. Huchon, prône la création de nouvelles ceintures vertes. Donc on dirait qu'on a l'impression qu'on revient à un point de départ, pas tout à fait quand même. Elles ne sont pas situées au même endroit. Les ceintures vertes traditionnelles de Paris, qui étaient dans la petite couronne, sont urbanisées depuis déjà plusieurs décennies. Donc on va recréer, ou plutôt essayer de maintenir, éventuellement de respécialiser l'agriculture un petit peu plus loin, et notamment dans ce qu'on appelle les projets agri-urbains en Île-de-France, qui sont des sortes d'associations entre agriculteurs, élus et associations locales pour redynamiser l'agriculture dans certaines zones. Alors, si je vais trop vite ou pas assez vite. Donc, en termes de recherche, ces circuits courts de production alimentaire, ils ont été plus étudiés jusqu'à un temps récent par les collègues anglo-saxons que par nous, mais souvent dans ce que eux appellent les leading rural zones, c'est-à-dire finalement des zones relativement excentrées. Et en Grande-Bretagne, ces circuits courts ont été une sorte de levier politique pour maintenir l'agriculture dans des zones assez fortement dépeuplées, notamment la bordure par exemple entre l'Écosse et la Grande-Bretagne, et l'Angleterre, pardon. Donc c'était finalement une sorte de moyen soutenu par l'État pour maintenir un tissu rural agricole relativement actif dans ces zones-là. Alors, ça a été plus étudié donc en milieu périurbain. Par contre, on voit maintenant, je dirais aussi, exploser un peu le nombre d'études qui sont à relier avec la demande croissante des produits alimentaires de proximité par les consommateurs. Je vous ai cité quelques cas ici. Et il y a de nombreuses études de cas qui sont en cours ou qui ont été très récemment faites en France et qui sont en particulier compilées dans le magnifique petit bouquin que je vous recommande, je n'ai pas d'action dedans, donc je vous le dis tout de suite, qui s'appelle « Les circuits courts alimentaires, bien manger dans les territoires », c'est un programme, et ça a été sous la coordination de Gilles Maréchal, qui est un collègue du CIVAM de Bretagne. Et donc ça, c'est chez Educagri, c'est pas cher, 18 euros, et il y a tout un tas d'expériences qui sont relatées là-dedans, et de points de vue sur ces circuits courts alimentaires. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans le cadre d'études qui sont en train de se faire ou qui ont été faites plus récemment. Oui, vous pouvez faire circuler. Je vais avoir quelques petites notes dedans, mais vous pouvez y aller. Alors, il reste que sur cette question des circuits courts alimentaires, il se pose des questions un peu récurrentes, hein, qu'on trouve à peu près dans toutes les études, qu'on pourrait résumer sous les trois points suivants, c'est pas non plus totalement exhaustif. Quelle place ont ces circuits courts dans les transitions agricoles qui sont à l'œuvre dans le milieu périurbain? Est-ce que ces circuits courts sont eux-mêmes en évolution, en transition? Est-ce qu'ils contribuent à une agriculture plus durable? Alors souvent, on a tendance à dire oui, ben forcément, c'est plus proche, il y a moins de consommation, ça. Je ne suis pas toujours si sûr, on va y revenir si vous voulez. Et quelles répercussions ces circuits courts ont, finalement, sur les relations consommateurs-producteurs? Certains, comme notamment les AMAP, dont parlera Claire, se réclament vraiment d'une recréation de ces liens, mais aussi plus largement, je dirais, sur la recréation de liens entre la ville et la campagne. Alors, ici, cet après-midi, moi je n'ai pas compétence à intervenir sur tout, je me focaliserai plutôt sur la première question, c'est-à-dire quelle place ils ont dans les transitions agricoles en périurbain et est-ce qu'ils sont eux-mêmes en transition ? Et en prenant l'exemple que je connais le moins mal pour l'instant, qui est celui de l'Île-de-France. Bon, alors, on cause de circuits courts, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas défini. Donc, on va peut-être commencer par le définir. Si vous le souhaitez, je vous laisserai la présentation. Ne vous embêtez pas. D'accord. J'aurais pu vous m'amener d'ailleurs avec quelques copies. Merci. Alors, les définitions, c'est intéressant parce que tout le monde parle de circuit court, mais finalement, il n'y a pas de définition officielle. Ça, c'est un peu comme les produits fermiers en agriculture, c'est quelque chose qu'on voit passer mais qui ne se définit jamais. Alors, nous, on a pris, dans le cadre de l'écrit de proximité, une définition, mais un peu discutable, hein, qui est celle donnée par Parker, donc, en anglais, savoir qu'il s'agit d'une chaîne commerciale, hein, dans laquelle le nombre d'intermédiaires entre les consommateurs et les producteurs, ce nombre est réduit, il est bien qu'il ne dit pas combien il est réduit, et où la proximité géographique, la distance géographique entre les deux est petite. Alors, c'est intéressant dans cette définition de voir que généralement il y a un consensus entre les gens qui travaillent sur les circuits courts sur le fait qu'on limite le nombre d'intermédiaires, producteurs et consommateurs, et souvent d'ailleurs on le limite à 1, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler que de liens absolument directs, de vente directe à la ferme par exemple. Dans les circuits courts, bien sûr, ça en fait partie, mais il y a d'autres formes de circuits courts qui font appel à un intermédiaire, par exemple. Alors cet accord, il est à peu près général sur le nombre d'intermédiaires, parfois quelques petites... Par contre, sur la distance, distance géographique entre producteurs et consommateurs, là, on est face à des choses un petit peu plus complexes. On va le voir, certains circuits courts n'ont absolument rien de proche géographiquement du consommateur. Et ça a amené certaines de nos collègues, notamment Ina Chifolo, à définir les circuits courts de proximité comme étant ceux qui mettent en relation producteurs et consommateurs dans un rayon d'environ 80 km. Alors là, on retombe un petit peu, bon, c'est un peu arbitraire, hein. C'est relatif à un décret qui porte aussi sur les produits fermiers. Et ces circuits courts dits de proximité, là aussi, ils sont parfois revendiqués, par exemple, comme tels, par les AMAP ou par d'autres formes de circuits courts. Alors on arrive à des typologies variées, hein, sur ces circuits courts, qui différencient ces circuits selon qu'ils sont collectifs ou individuels, selon qu'on est vraiment dans de la vente directe, c'est-à-dire où il n'y a pas d'intermédiaire du tout entre producteur et consommateur, ou il y a un ou plusieurs intermédiaires. Et puis je dirais le sens du déplacement. Est-ce que c'est le producteur qui va vers le consommateur vers le producteur, les deux qui vont quelque part, hein, se rencontrer? Bon, et là, je vous donne un exemple de typologie, hein, qui est faite par Yuna Chifolo et qui différencie ces circuits courts selon les caractères individuels, collectifs, vente directe et puis d'autre part, autre type de circuit. Vous voyez qu'il y a déjà une diversité potentielle importante, hein, ça va de la vente à la ferme ou diverses formes de vente de panier, en passant par des coopératives avec vente directe, des dépôts-ventes, il y a tout un tas d'organisations variées, hein, qui sont, on va le voir, encore en train de varier encore plus derrière ce terme de circuit court. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de définition dans le béton, hein, et que finalement, on peut tomber sur des formes de relations entre producteurs et consommateurs qui ne sont pas pour l'instant répertoriées, hein, qui peuvent naître un peu de l'innovation sociale peut-être. Alors on va passer maintenant à une brève présentation de ce que sont les circuits courts en Ile-de-France. Là aussi, je ne prétends pas être exhaustive. Je vous rappelle, l'animation a un peu foiré, que l'Ile-de-France, c'est un certain nombre de départements, hein, dont beaucoup sont urbains, comme celui où on est, et puis la majorité du territoire de l'Ile-de-France, c'est un territoire agricole, un peu plus de 50%, dont l'essentiel est plutôt en grande culture, c'est-à-dire en céréales, betteraves, etc., c'est-à-dire en cultures qui sont plutôt destinées au marché international, très nettement plutôt destinées au marché international qu'au marché local. Donc, a priori, en Ile-de-France, et surtout pour, on n'a pas les productions pour. On peut voir comme ça, dans une première approche. Je rappelle qu'il reste à peu près 5600 exploitations agricoles aujourd'hui sur le territoire, un petit peu moins, d'ailleurs à la fin 2008, probablement 5300, sans diminution, hein, constante. Au niveau régional, malgré ce que je viens de vous dire sur la nature des productions, on a quand même près d'un quart des exploitations qui ont au moins une forme de circuit court dans leur forme de commercialisation, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut paraître étonnant. Quand on a, c'est pas l'idée qu'on se fait a priori, je dirais, d'une région comme l'Île-de-France. Au point que le ministère de l'Agriculture, dans l'enquête AGRET 2005, disait que la vente directe, une forme de circuit court, c'est le pilier de la commercialisation dans la région agricole. Et alors là, ça ne se voit pas bien du tout, mais on constate aussi une variabilité intra-régionale de ces pourcentages de fermes en circuit court, Là, vous avez une carte fort déformée de la région Île-de-France. Je n'aime pas trop. Et plus c'est bleu foncé, et plus il y en a. Quand c'est bleu très foncé, ça peut aller jusqu'à 40 voire 50% des exploitations qui ont une forme de circuit court. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine tendance à ce qu'il y ait du bleu foncé plutôt autour, on va dire, de la petite couronne. Hein. Mais certains coins sont, comme par exemple le Pénière du Gâtinais, caractérisés par une forte proportion d'exploitations en circuit court. Alors, quelles sont les exploitations qui font ces circuits courts? C'est deux catégories de choses. Des fermes qu'on va appeler spécialisées, qui occupent à peu près 46% des fermes totales en circuit court, donc qui sont vraiment axées sur un type de production, qui sont souvent d'assez petites structures. On sait les maraîchers spécialisés ou diversifiés, les arboriculteurs, les apiculteurs, les petits élevages. Et ça correspond à des exploitations de petite taille, avec un emploi relativement important, permanent et saisonnier. Et puis la deuxième catégorie, c'est des fermes mixtes, c'est-à-dire qui ont une base de grandes cultures céréales, la majorité des exploitations franciliennes, à laquelle a été rajouté au cours du temps un atelier spécialisé de maraîchage, de petit élevage, etc. Et celles-là sont plus importantes en surface, bien qu'elles soient plus petites en taille que les céréalières pures. Très souvent, l'introduction d'un atelier spécialisé, ça a été une façon de compenser cette petite structure et des problèmes absolument insurmontables d'accroissement foncier dans la région. Et puis ça a été souvent aussi, vous voyez, en termes d'emploi, UTH, c'est l'unité de travail humain, donc plus de 4 employés permanents sur des petites structures comme ça, c'est souvent une façon de créer de l'emploi, notamment pour le conjoint, la conjointe, et de créer de l'emploi temporaire aussi. Alors la première évolution qu'on constate dans la région, c'est une diminution forte de ces fermes spécialisées et un accroissement de la proportion des mixtes. C'est-à-dire qu'on va plus vers un paysage où ce serait des exploitations céréalières de relativement petite taille qui mettraient en plus un atelier spécialisé, participant à ces circuits courts, que des exploitations spécialisées en tant que telles. Alors certains secteurs d'ailleurs spécialisés sont en crise absolument considérable, c'est le cas de l'arboriculture. Je rappelle que l'Île-de-France, c'était quand même une région presque d'origine de vergers, dont certains sont très célèbres, comme ceux du potager du roi. Pardon ? Montreuil, je me rappelle, Chambourcy, il y avait beaucoup de vergers qui étaient vraiment de réputation plus que nationale. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux ont disparu. Et vous voyez là le nombre d'arboriculteurs spécialisés en 88, donc il y a 20 ans, on en avait 187. Aujourd'hui, on en a, ils ont disparu pour les deux tiers. Et ça continue. Bon, les raisons de cette disparition, elles sont essentiellement économiques. C'est la concurrence internationale, notamment du fait de la présence de Rungis. Et ces exploitations, qui sont souvent très consommatrices de main-d'œuvre, ont énormément de mal à résister à l'augmentation des coûts. De la main-d'œuvre face à la diminution des prix de leurs produits. Alors, quelles sont les formes de circuits courts qu'il y a dans ces différentes exploitations? La première chose à voir, c'est que finalement, il y a un certain conservatisme, c'est-à-dire que 60% des exploitations de la région sont d'abord sur des marchés forains. Et les marchés forains, c'est quand même, je dirais, presque une marque de fabrique de la région. On n'est pas la seule, bien sûr, où ça se passe, mais il y a toujours eu traditionnellement beaucoup de marchés forains dans Paris et autour de Paris, et ça reste une forme de circuit court très pratique. Par contre, lorsqu'on va un petit peu plus précisément, et c'est ce que nous on l'a fait dans deux territoires de la région, en plaine de Versailles et vers Chailly-en-Bière, on va y revenir, alors là on se rend compte que les choses sont un petit peu différentes. Alors je vous présente très rapidement ces deux territoires, en plaine de Versailles, vous voyez Versailles, le château, il est par là. Et bien la plaine de Versailles, c'est un territoire qui fait l'objet de ce que j'ai appelé tout à l'heure un projet agri-urbain, qui comporte 26 communes, je crois, autour de Versailles, qui est une zone effectivement très agricole. Et donc à peu près sur 1200 hectares, on a 64 fermes et une zone quand même très urbanisée. Et puis l'autre région, c'est la région de Chailly-en-Bière. Alors celle-là, elle est intéressante. C'est vraiment le point de production de la laitue en Ile-de-France, qui produit à peu près 80% des salades consommées en Ile-de-France. Donc c'est important. Et qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, dans la plaine de Versailles, 44% des fermes ont une forme au moins de circuit court. On est encore au-dessus de la moyenne régionale. Et ces formes de circuit court, elles sont, mon Dieu, fort différentes. On en a recensé 8 catégories, et parfois dans une catégorie, il y a des différences. Le marché, la vente à la ferme, les cueillettes, différentes formes de paniers, des AMAP, des ventes sur Internet, de la vente directe à la grande distribution, chose qui commence à se développer, de la vente directe à des professionnels et notamment des restaurateurs, sur Versailles ou sur Paris, vous pensez bien que c'est une chose qui est relativement importante. Et ces exploitations sont aussi en circuit long. C'est-à-dire ça, c'est une des caractéristiques sur lesquelles on va revenir. Alors, il y a 20 ans, donc en 88, à Versailles, on avait beaucoup plus d'exploitations spécialisées, puisque je vous ai dit qu'elles ont fortement régressé, mais par contre, presque toutes ne vendaient que sur des marchés et beaucoup sur un gis. Donc là, les formes de commercialisation ont considérablement évolué. Alors, une chose aussi intéressante, c'est qu'il y a une association fréquente dans les exploitations entre circuit court et circuit long. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que les choses sont contradictoires. Non, dans les exploitations, très souvent, on vend une partie de la production aussi sur le circuit long. Alors, dans la plaine de Versailles, par exemple, il n'y a plus qu'une seule exploitation qui ne vend que sur un gis, alors que c'était donc le mode de commercialisation préféré il y a 20 ans. Par contre, 50% d'entre elles utilisent Rungis et l'utilisent soit pour vendre des surproductions à certains moments, quand il y a, c'est par exemple le cas dans certaines AMAP où lorsqu'il y a des productions de haricots verts au mois de juillet et qu'il n'y a pas plus de Parisiens pour les manger parce qu'ils sont en vacances, il faut bien faire quelque chose. Hein. Et les cueillir une fois par semaine, ça ne suffit pas. Donc, il faut bien écouler le reste de la production. Et une façon, ce n'est pas la seule, mais une des façons de l'écouler, c'est d'aller le vendre sur Rungis. Et puis, ça, c'est aussi des formes d'achat de production qu'on va revendre sur les marchés pour compléter son propre étal. Alors, Rungis, bon, c'est pas que de la très globalized food system, c'est aussi des opportunités intéressantes pour certains producteurs, et notamment, la région avait financé quelques années ce qu'on appelle le carreau des producteurs, donc c'est un site sur Rungis qui est spécialisé pour que les producteurs vendent le plus directement possible, et c'est là où, en particulier, les restaurateurs vont fortement s'approvisionner notamment les grands restaurants. Donc c'est une niche vraiment de produits recherchés rémunérateurs. Alors, ça existe toujours. Ah oui, c'est toujours. D'accord. Et c'est ouvert qu'aux agriculteurs franciliens. C'est ouvert qu'aux producteurs franciliens. Et il y a une petite partie de ce carreau des producteurs qui est maintenant consacrée à des producteurs bio. Depuis 3 ans, je crois. 4 ans, comme ça. Donc c'est une surface qui n'est pas énorme, mais qui a vraiment un poids significatif par rapport à certains débouchés. Alors j'ai parlé de phénomènes de contagion et là le cas de Chaillambière est intéressant parce qu'il illustre à la fois les phénomènes de périurbanisation et l'évolution actuelle de ces phénomènes. Chaillambière, c'est situé, vous passez devant quand vous prenez l'autoroute A6, qui est située là, et Chaillambière, c'est situé par là, donc c'est tout près. Hein. Alors c'est un endroit où on a réinstallé il y a une trentaine d'années les maraîchers qui étaient fort nombreux, pas très loin d'ici, à la plaine de Montesson. Hein. Et ce sont les gens qui ont été délocalisés de cette zone-là, qui sont allés s'installer dans la plaine de Chaillambière. Avec un système de production, il y a une trentaine d'années, qui était très simple, basé sur la laitue, point barre, et la vente à Rungis, point barre. C'est-à-dire, c'était vraiment, on est à côté de la 6, on prend le camion, on va à Rungis, etc. Voilà. Et on ne fait que ça comme commercialisation. Et ça a été choisi pour ça. Alors, aujourd'hui, il y a 800 hectares en laitue, mais fait souvent en laitue et en céréales aussi. Ils ont conquis du territoire autour pour faire des successions culturales, réduire notamment les pesticides. Mais aujourd'hui, sur les 15 producteurs totaux, initiaux, c'était pas très nombreux, mais vous avez vu, ils produisent beaucoup, la moitié d'entre eux, il en reste 10, et la moitié d'entre eux explorent des formes de circuit court. C'est-à-dire, ils sont en train d'essayer de sortir, si j'ose dire, de Rungis, à cause justement de la diminution des prix, et à cause aussi du fait que leur marge a tendance à s'éroder. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent comme forme de circuit court? Pas mal de ventes à la ferme, du fait que c'est une région qui s'est par la suite urbanisée, il y a de plus en plus d'habitants, ils ont des clients directement à la porte, la vente aux restaurateurs sur le carreau des producteurs, et puis la vente directe aux super et aux hypermarchés. Donc, sur des quantités importantes. Là, on est dans du maraîchage spécialisé qui fait que de la laitue, des différentes espèces de et donc ils ont une force de frappe, je dirais, commerciale relativement importante. Alors, ce qui est important, je pense, de voir dans cette dans cette présentation rapide, c'est qu'il y a trois caractéristiques fortes de ces exploitations, enfin, du côté des producteurs en termes de circuits courts. Fréquemment, plusieurs circuits courts sont associés dans une exploitation. On ne fait pas que de la vente directe, on ne fait pas que du marché, on fait plusieurs choses à la fois. Ce qui après pose des problèmes éventuellement de compatibilité, d'explosion du temps de travail, etc. Il y a donc, comme je vous l'ai dit, une complémentarité fréquente entre circuit court et circuit long, notamment grâce ou à cause de Rungis. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la participation à l'emploi de ces exploitations en circuit court. Sur la plaine de Versailles, par exemple, les 26, je crois, exploitations représentent près de 170 emplois permanents, ce qui est énorme quand on voit la moyenne des exploitations de grande culture, où maintenant un homme seul peut s'occuper de 150, 180, voire 200 hectares. Donc voilà, 170 permanents, plus de 200 saisonniers, donc c'est quand même une source d'emploi pas complètement négligeable dans un territoire, et c'est aussi un problème, parce que ces employés, il faut les trouver, il faut les rémunérer, et puis il faut les loger, ce qui n'est pas facile dans la région. Alors, le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est... On a vu que les exploitations qui portent ces circuits courts ont évolué, spécialisées plutôt vers des mixtes, et puis les formes donc, ont fortement évolué récemment. Et récemment, ça veut dire que la plupart des circuits courts qu'on peut voir dans ces territoires, ils n'existaient pas il y a 10 ans, voire pour certains il y a 5 ans. C'est le cas des ventes internet, qui se sont fortement développées. C'est le cas des différentes livraisons de paniers. Alors par exemple, les livraisons de paniers aux entreprises, ça date dans ces territoires entre 2004 et 2006, et puis en gros dans la région, c'est à peu près ça. Certains ont été pionniers, mais enfin, le développement, c'est pas cela. Il y a eu une initiative portée par les chambres d'agriculture de vente de paniers dans les gares RER. Je sais pas si ça se fait ici à Nanterre, mais sur d'autres lignes, je sais que ça se fait. Et dans les gares SNCF, et ça date de 2007. Ça marche remarquablement bien. Les AMAP, Claire nous en parlera, mais la première a été créée en Ile-de-France en 2003, et sur la plaine de Versailles, c'est en 2006. Et puis, vous avez vu l'évolution territoriale dans le cas de Chailly, où les gens n'étaient pas du tout axés sur les circuits courts et s'y mettent. Alors, les facteurs principaux qui expliquent ces évolutions et cette diversification, j'ai le facteur global qui est la compétition sur les prix, en particulier pour les fruits et légumes, c'est particulièrement fort. Et puis les formes traditionnelles de circuits courts, notamment les ventes sur les marchés forains, ont à faire face quand même à un certain nombre d'inconvénients. D'une part, des contraintes légales croissantes sur les marchés, alors contraintes d'ordre sanitaire, réglementaire, qui sont de plus en plus pénibles quand même pour les producteurs. Pour la vente à la ferme, c'est la même chose. Si vous essayez de vendre à la ferme des produits carnés, par exemple, il faut une installation considérable, des chauffeurs froids, des vitrines frigorifiques, en fait, tout ça. Ça n'est pas forcément à la portée de tous les producteurs. Un point très très important, c'est la trop forte charge en travail que représentent en tout cas les marchés et la pénibilité de ce travail. Quand les gens sont à la fois producteurs et vendeurs, ils ont vraiment un nombre d'heures considérable de travail avec des rythmes complètement décalés, vie personnelle bouleversée, etc. Et du coup, difficulté à trouver des gens pour travailler avec eux dans ces conditions-là. Et par exemple, sur la plaine de Versailles, pourtant, je vous assure que les marchés marchent remarquablement bien, et vraiment les gens gagnent fort bien leur vie. Un tiers des producteurs qui travaillent sur les marchés n'ont pas de successeur. Et les enfants ne veulent absolument pas revivre la vie du chien de leurs parents. Donc, ça veut dire que les formes traditionnelles sont arrivées, pour certaines, un petit peu à leur fin d'acceptabilité, en termes de travail en particulier. Alors, je vous ai parlé de l'Île-de-France, mais ces phénomènes-là, on les retrouve dans d'autres régions. En particulier la forte diversification, on retrouve ça en Bretagne, on retrouve ça dans la région PACA, etc. Je pense que Claire nous en parlera peut-être aussi. Les nouveaux liens aux consommateurs à travers ces formes de livraison de paniers, les AMAP, ou si d'autres choses, ça aussi c'est quelque chose qui est un phénomène vraiment français, mais bien au-delà de notre pays. Et ce qu'on voit aussi dans différentes études de cas, c'est cette complémentarité entre circuit court et circuit long. Ce qui amène une de nos collègues, Sophie Dubuisson-Pellier, à considérer que les circuits courts ne sont pas une alternative au globalized agri-food system, mais sont plutôt une sorte d'hybridation entre une forme qui serait presque pure du circuit court et puis le globalized agri-food system, parce que finalement on joue un petit peu avec les deux, avec tous les systèmes. Donc là, je vous ai remis la référence de bouquin qui est en train de circuler, en vous signalant notamment deux articles de deux collègues. qui montrent justement ces mêmes choses dans d'autres régions. Alors rapidement, puisque je prends un peu de temps, des questions de recherche qui naissent de ces études empiriques. Je dirais que moi, il y a deux catégories de questions de recherche. Une qui porte sur le concept même de circuit court. Vous avez vu qu'il n'est pas encore vraiment stabilisé. Et en particulier, une question qui nous intéresse beaucoup dans notre équipe, qui est une équipe pluridisciplinaire, des géographes, des économistes, des sociologues, des agronomes, pas beaucoup d'agronomes malheureusement, c'est quel est le poids relatif et quel est le sens finalement de la proximité géographique dans ces différents circuits courts. Alors, sens, sa signification, je veux dire par là, est-ce que c'est un lien social, on est proche, donc on se connaît mieux, est-ce que c'est une relation avec la plus-value, parce qu'on est proche et parce qu'on a moins d'intermédiaires, et ben on va, en tant que producteur, garder plus de plus-value. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours aussi systématique que ça. Quelle est la part, finalement, et ça c'est une question qui intéresse beaucoup les collègues économistes, quelle est la part de la proximité géographique dans la définition de la qualité du produit? Bon, quand on est dans des AOC, des appellations d'origine contrôlée, des choses comme ça, on voit bien qu'il y a une caractéristique spécifique. Mais là, quand on vend de la salade, franchement, et qu'est-ce que ça te spécifie, sauf qu'elle est produite à côté. Alors, si elle est produite à côté, elle est peut-être plus fraîche. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui permet de signaler, de donner une valeur particulière à cette proximité géographique dans le produit. Ensuite, il y a des questions qui, moi, m'intéressent beaucoup en tant qu'agronome, c'est quelle est la place, quelles sont les conséquences de ces circuits courts en termes de management technique de l'exploitation. Ça veut dire souvent diversification au niveau des circuits courts, et ce n'est pas toujours facile à manager, on va le voir. Et puis, une question qui revient très souvent, c'est quels sont les impacts en termes énergétiques et environnementaux. Et sur ces questions-là, il y a beaucoup de controverses actuellement. Vous en avez certainement entendu parler, autour de ce qu'on appelle les food miles, les kilomètres alimentaires, et plus globalement, des impacts environnementaux des circuits courts. Et pour aller rapidement, il n'est pas toujours évident que consommer à proximité soit plus durable, en tout cas moins consommateur de carburant, par exemple, ne fût-ce que parce que les circuits longs internationaux ont pu optimiser depuis quelques années leur déplacement, et finalement ramener par exemple au kilo de viande transportée, effectivement ça peut être plus intéressant de le faire venir même de Nouvelle-Zélande que de le produire dans la région parisienne. Ça peut paraître paradoxal, mais ça n'est pas tout le temps. Alors sur ces aspects-là, nous, on apporte notre petite contribution à travers un travail en cours qu'on mène avec l'INRETS. L'INRETS, c'est l'Institut National de Recherche sur les Transports et la Sécurité. Et ils sont très intéressés justement par cette question de logistique dans les circuits courts. Il faudra bien qu'un de ces jours, on arrive à dépasser le « on dit », mais qu'on ait vraiment des données fiables, notamment régionalisées. Ce n'est pas la même chose de faire des circuits courts en Ile-de-France que de les faire en Bretagne. Pas forcément en tout cas. Alors ensuite, je dirais qu'au-delà du concept lui-même, nous en tant que chercheurs, ce qui nous intéresse, c'est la question globalement, est-ce que les circuits courts sont une voie de développement territorial durable? Alors derrière ça, c'est un petit peu ambitieux, on vise bien les trois volets de la durabilité, c'est-à-dire la viabilité technico-économique pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs. Est-ce que finalement le consommateur s'y retrouve économiquement en consommant des produits de proximité? Viabilité sociale, idem pour les agriculteurs et pour les consommateurs. Alors quand des enfants ne veulent plus reprendre une exploitation parce que le travail est trop pénible, la viabilité sociale, quid. Et puis aussi, utilisation, préservation des ressources. Les ressources qu'utilisent les producteurs pour produire, elles ne sont pas toujours très locales. Je prends un exemple, les maraîchers, ils ont besoin de beaucoup de matières organiques. Il n'y a presque plus d'élevage en Ile-de-France. Quelques velléités d'en remettre, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir de la matière organique de l'extérieur, voire de pays étrangers. Bon, sur un plan écologique, c'est peut-être pas absolument top. Et finalement, pour tenter en tout cas d'amener des éléments à cette question de les circuits courts sont-ils une voie de développement territorial durable, il y a beaucoup de critériologies qui permettent de des critères de durabilité. Et là, je vous cite les travaux anglais, par exemple, qui comparent justement les critères de durabilité fournis par le DEFRA, donc le ministère anglais de l'Agriculture, et puis par des associations consommateurs, notamment Sustain. Donc il y a des critères, et selon les critères qu'on utilise, forcément, on ne trouve pas forcément exactement le même classement. Et nous, il nous semble qu'il serait peut-être plus judicieux, plutôt que d'aligner des critères divers et variés, d'aller vers une sorte de grille d'analyse pluridisciplinaire pour aborder cette question de la durabilité globale dans le territoire des circuits courts, qui joigne à la fois des aspects techniques, c'est-à-dire est-ce que sur le plan de la production comme sur le plan de la consommation, on a des éléments de durabilité dans ces circuits courts, à des aspects socio-institutionnels, quelles sont les organisations, les modes de coordination entre producteurs et consommateurs, ils sont fort variables, à des aspects aussi de dimension spatiale et territoriale, hein. Alors là, avec des aspects spatio-temporels, finalement, tout à l'heure on parlait de logistique et de poids de la proximité géographique, il nous semble que c'est cet ensemble-là qui fait forcément appel à des études pluridisciplinaires, hein. Personne n'est capable de traiter chacun de ces éléments tout seul. Et ça, il nous semble que c'est un petit peu une voie pour aller vers la réponse à cette question. Alors, simplement pour terminer, je voudrais dire, en termes de pratique et de fonctionnement des exploitations, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'agronome, en tout cas, c'est que le passage au circuit court est souvent synonyme de diversification des productions. Et je voudrais juste vous montrer, si ça marche, ce machin, on va voir. Voilà. Dans le cas d'une exploitation qui est passée il y a 5-6 ans au circuit court, après avoir été une exploitation maraîchère très peu diversifiée, on est passé de 3 à 18 produits différents produits sur l'exploitation, et pour certaines productions, comme la salade, 16 variétés différentes. Donc je vous laisse imaginer, et ça c'est les périodes de production, donc vous voyez, pour certaines productions, on produit toute l'année. On n'est pas dans le cas de l'agriculture biologique ou de la nappe, hein. Donc, ça veut dire, pour l'agriculteur, une complexification considérable de son management technique. Alors, pour nous, agronomes, ça veut dire aussi comment est-ce qu'on peut rendre compte des décisions de choix des cultures, d'assolement, c'est ce qu'il y a derrière, hein, de succession de cultures, comment on organise au cours du temps sur une parcelle les successions de cultures, ce qui a un rôle très important sur la lutte contre les parasites, hein, ou l'organisation globale du travail sur l'exploitation quand on a un machin comme ça. Il n'est pas du tout sûr que les modèles décisionnels qu'on a, en tant qu'agronome construit sur la façon dont les agriculteurs raisonnent leurs pratiques techniques, etc., et a fortiori nos modèles d'évaluation des rendements des cultures, soient très pertinents dans ce genre de situation. Donc là, une hypothèse que je fais, c'est que ces circuits courts et les diversifications qui se produisent vont nous interroger, nous, en termes même conceptuels, sur nos modèles. Deuxième élément, ce qui est important à voir, c'est que cette diversification, ça implique pour l'agriculteur une modification de ses compétences techniques. Ça nécessite donc de revoir sérieusement la gestion des systèmes de culture et de revoir sérieusement aussi l'organisation du travail sur les productions. Les relations entre producteurs et consommateurs sont aussi très fortement interrogées par ces circuits courts. Et bon, sur diverses choses, mais je pense qu'il y a plusieurs points qui sont à souligner. La première, c'est qu'il y a un poids croissant pour les producteurs, comme d'ailleurs pour les consommateurs, de la notion de service attaché au produit. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure pour les AMAP, mais typiquement, quand un producteur d'AMAP livre un panier, mais maintenant ça se fait aussi dans d'autres cas de livraison de panier, il ne livre pas que des produits, il livre souvent aussi des recettes de cuisine. Il livre finalement le fait que, en amenant son panier qu'il a conçu, lui, producteur, finalement, il va impliquer des choses chez le consommateur. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à manger cette semaine, par exemple. Donc, ça, c'est un service, je dirais, directement rattaché au produit. Il peut y avoir d'autres types de services, pédagogiques ou autres, qui sont vraiment en pleine effervescence, hein, je dirais, et qui sont souvent très liés au circuit court alimentaire. Deuxième élément, c'est la grande variabilité, je pense que Claire va y revenir, dans l'intensité, la nature des liens entre producteurs et consommateurs. Ce n'est pas parce qu'on consomme en circuit court qu'on est forcément et toujours beaucoup plus proche du producteur. Et inversement. Le producteur n'a pas toujours une envie absolument faramineuse d'être intime avec le consommateur. Bon, on a parlé des nouvelles compétences pour les producteurs. Ça, c'est très, très important et c'est actualisé en permanence, notamment pour s'adapter aux sujets urbains. Et c'est peut-être pas un hasard si en Ile-de-France, on voit aujourd'hui que la plupart des installations qui se font sur des petites structures maraîchères, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes, ce sont tous des néo-ruraux. C'est-à-dire, ce sont tous des urbains qui ont eu par la suite une formation agricole. Et puis on assiste peut-être à un nouveau phénomène de néo-ruralité, comme on avait eu dans la fin des années 60, et qui est maintenant périurbain. Et c'est pas un hasard, parce que peut-être qu'ils sont plus capables que des agriculteurs traditionnelle, je dirais, de s'adapter aux demandes des urbains. Et puis, une question qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question de l'ancrage territorial. C'est-à-dire, finalement, ces circuits courts, est-ce qu'ils se suffisent à eux-mêmes ou est-ce qu'ils seraient encore plus efficients s'ils avaient un marquage local, des produits ou des services qui sont vendus avec les produits. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la plaine de Versailles. Ben, dans l'association qui préside le projet agri-urbain, a créé sa marque plaine de Versailles, dont on ne sait pas trop finalement pour l'instant si c'est vraiment très utile ou pas. Bon, ça leur a pas coûté très cher, ils l'ont fait. Relativement bien fourni. Donc, voilà. Mais ceci dit, est-ce que c'est une démarche judicieuse ou pas? Pour l'instant, c'est pas trop. Ça, je vais passer. Pour finir, je dirais que on a quand même, sur ces questions des circuits courts, un besoin vraiment accru de problématisation, et en particulier de problématisation en quoi c'est spécifique au périurbain. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les circuits courts périurbains? Donc, on a d'abord besoin, et ça c'est un besoin général aussi bien de la recherche que du développement, de meilleures références et d'outils statistiques, parce que pour l'instant, on n'a pratiquement rien. Dans les recensements généraux agricoles, les ventes directes, les circuits courts, tout ça, c'est vraiment traité extrêmement, de manière extrêmement succincte, alors qu'on aurait besoin d'observatoires, de choses assez sérieuses. On a aussi besoin d'avoir des terrains où les démarches disciplinaires sont croisées. Je crois vous avoir montré que on ne fonctionnait pas que sur une seule discipline, on ne peut pas appréhender ces phénomènes par une seule discipline. Bon, ceci dit, il faut pouvoir aller travailler ensemble sur les terrains. Et puis, ce sont des choses qui doivent se faire, les recherches qui portent sur les circuits courts doivent se faire en lien étroit avec les acteurs du développement, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont portés par ces acteurs du développement. Alors, parmi les outils qui permettent cette problématisation, on va se faire un petit peu de pub. Notre équipe proximité organise tous les 2-3 mois un séminaire filière courte territoire et développement durable, dont vous avez ici le site, et qui se tient à AgroParisTech, donc à Paris. Voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu longue et je suis prête à répondre à vos questions, vos remarques. Vous pouvez laisser un peu l'adresse. Ah oui, pardon, excusez-moi. La dernière séance avait fait l'objet d'une diffusion sur le site du LADIS. Sur le mail du LADIS. C'était en décembre, je crois. C'était en décembre, voilà. Ah oui, ça a été suivi d'une sortie de terrain. Voilà. Dans la plaine de Versailles, justement. Et la prochaine, sortie de terrain, nous la ferons l'année prochaine, en Hollande, pour aller voir des formes de circuits courts associées à des services. C'est pas la peine d'aller en Hollande pour voir ça, mais bon, histoire. Vas-y, Aurélien, vas-y. Oui, par rapport l'information, vous parliez de des difficultés de management qu'il y avait par rapport justement à la multiplication des produits. Et en fait, je voulais savoir si vous aviez assisté à des associations d'agriculteurs qui justement essaient de trouver des solutions, des apprentissages, des formations, ce genre de choses, soit par les agriculteurs eux-mêmes, soit par la Chambre, soit par d'autres institutions agricoles. Alors, hormis peut-être le cas des AMAP, ça je te laisserai Claire en parler. C'est très peu développé actuellement en Ile-de-France. C'est fort regretté par les chambres, par la région, qui souhaiteraient beaucoup, par exemple, faire des groupements d'employeurs pour pouvoir résoudre un certain nombre de questions d'organisation du travail dans les exploitations. Mais chaque exploitation n'a pas forcément la capacité économique d'employer une personne à temps plein. Donc l'idée, ça pourrait être de se répartir une personne, par exemple un chef de culture ou une personne spécialisée de vente. Et c'est très difficile à faire en Ile-de-France parce qu'il n'y a pas du tout de tradition, je dirais, de mise en commun, en particulier chez les maraîchers et les arboriculteurs. C'est quand même un milieu qui est très individualiste, qui a très bien fonctionné comme ça pendant des décennies, voire des siècles, donc qui ne voit pas tellement l'intérêt maintenant. Enfin, ils commencent à voir l'intérêt, mais c'est très difficile de les amener à avoir une démarche un peu collective, que ce soit pour la vente, pour l'organisation du travail, pour le partage d'équipements, etc. Très très difficile. Alors que dans d'autres régions, par exemple en Bretagne, en Normandie, il y a des plateformes régionales, il y a des points de vente collectifs, en Rhône-Alpes aussi de façon importante. Mais là, nous, on n'est pas dans une région où c'est très facile à faire. Je pense que ça va venir, contraint et forcé. Janine, Oui, non, Jenny, après, ce sera Nicole. C'est très court, hein. C'est simplement, vous avez fait allusion à un rapport préparé par le Conseil régional, mais je suppose que c'est pas Huchon qui l'a fait, donc est-ce que vous savez qui a travaillé à ça? Oui, effectivement, c'est pas Huchon qui l'a fait. C'est extrêmement inspiré d'un travail qui a été fait en 2006 par un agriculteur de plaisir dans les Yvelines qui s'appelle Jérôme Regnault. D'accord, donc c'est le voisinage de Lina en fait, hein. C'est Grignon. Voilà, c'est pas loin de Grignon. Enfin, c'est pas ça qu'il a fait ça, c'est parce que c'était l'ancien président du CDJA, du Centre départemental des agriculteurs. Et les chambres, elles sont quand même organisées. Enfin, la profession est restée extrêmement individualiste ou quand même. Au niveau des chambres, notamment, vous savez que l'Île-de-France est un peu spécifique parce qu'on n'a pas une chambre par département. Hein. Il y a une chambre côté Est, donc 77, et puis une chambre qui comprend les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise. Et donc dans cette dernière chambre, il y a une spécialiste, enfin, il y a des spécialistes circuit court et dans l'autre chambre aussi. Donc ça commence à venir, c'est-à-dire que les chambres ont mis en place des aides techniques, hein, notamment pour aider à la diversification. Ou pour faire face à toutes les contraintes réglementaires liées par exemple à l'installation d'une boutique à la ferme. Donc il y a des initiatives. Nicole. Moi je voudrais faire un peu de pub pour l'observatoire. Tu as fait des pubs. Tu as fait une pub. Absolument. Tu as fait une pub pour le. Parce qu'au fond, finalement, l'observatoire des relations rurales urbaines. Son objectif, précisément, est peut-être de problématiser, c'est-à-dire ce que tu as mis tout à fait à la fin, c'est-à-dire d'arriver à problématiser ce que on peut appeler la relation rural-urbain, et dans ce cas-là, ce serait effectivement la question des relations producteurs-consommateurs. Celle-ci, peut-être d'autres, je n'en sais rien. Mais disons que je suis quand même perplexe, justement, sur l'état. Non, je ne dis pas pour l'état des lieux, des circuits courts en Île-de-France, du côté des producteurs, pas de problème. Bon, c'est une bonne. Disons, grâce à toi, une bonne information. Mais quel est le problème derrière? Quel problème pose-t-on derrière cette question du circuit? Et j'ai été frappée aussi par le fait que, dans le fond, quand tu as essayé de montrer justement tes problèmes, tes questions de recherche, hein, les questions de recherche, la question du lien social, la question de plus-value, la question de proximité géographique, je suis quand même frappée par le fait qu'il manquait, me semble-t-il, un point assez important, qui est la question du produit, c'est-à-dire l'aliment. L'aliment. Hein. C'est celui, la qualité, c'est-à-dire celui, ce qui est absolument un lien, disons, qui n'a pas besoin d'être de proximité géographique, parce qu'après tout, on n'a pas besoin d'avoir une intimité avec le producteur de son produit. Par contre, on aime bien avoir une intimité avec le produit que l'on se met dans la bouche. Et donc, en un sens, je suis tout à fait d'accord avec toi que, donc, sur ta conclusion, sur la question de la publicité, mais je crois que, en un sens, il me semble qu'il y a une nécessité, finalement, d'une remise à plat avec toutes les équipes qui travaillent, qui ont travaillé sur cette question. Parce que dans une certaine mesure, évidemment, c'est tout à fait normal, il y a une recherche qui est toujours liée aux questions présentes. Mais en réalité, on oublie peut-être que ces questions ont déjà été traitées. Elles ont été traitées. La question des circuits courts, de la vente à la ferme, elles ont été traitées dans les années après 68. Elles ont été traitées aussi sur la question de l'approvisionnement des villes. Elles ont été traitées à plusieurs reprises, aux différents moments où la question se posait. Bon, effectivement, l'observatoire, c'est un peu l'idée que, sur longue durée, et avec une vision prospective, peut-être, on essaye d'approfondir et de remettre en perspective toutes ces questions qui me semblent. C'est un peu dans ce sens-là que j'avais présenté la séance, quand même, en disant que l'objet agricole, justement, permettait aujourd'hui une nouvelle lecture, une relecture. De questions effectivement très anciennes sur les foires, sur les marchés, tout ces... Mais les objets ont un petit peu évolué, comme vous le montriez, des formes nouvelles apparaissent, qui sont aussi une réactivation de ces relations. Des formes nouvelles. Première question. Nouvelles dans le contexte de l'Île-de-France, oui, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, à l'échelle d'une quarantaine d'années. Si on se dit relation, ruralité near city, par exemple, c'est très intéressant, parce que ruralité near city peut se prendre de différentes façons. Tu as parlé de la délocalisation des maraîchers, mais des maraîchers, il y en avait, et de toute façon, à un moment donné, par exemple, il y a la recherche de Martine Berger, c'est Géza, etc., sur l'approvisionnement des villes et les ceintures, pas les ceintures vertes. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre ceintures vertes et ceintures maraîchères. Oui, donc on a tout ça, on a tout un mélange de connaissances, dans le fond, qu'on ne peut... Peut-être qu'il faut qu'on les passe au crible finalement, d'une discussion collective où chacun des points de vue, point de vue de l'agronome, point de vue du sociologue, point de vue du géographe, pourrait reprendre un petit peu construire la question elle-même. Voilà, j'arrête. Ce qui pourrait être reposé, c'est la dissymétrie de ces relations. Parce que ce qui a peut-être beaucoup évolué entre la situation il y a une quarantaine d'années aujourd'hui, c'est qu'on avait une relation un peu dissymétrique autrefois, qui était « mon brave paysan, vous allez nous amener nos légumes pour vivre à la ville ». En gros, nourrir la ville était la mission. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que des questions sont aussi reposées du côté du rural, par des expériences innovantes, par des agricultures alternatives, qui reposent aussi cette question de la symétrie qui a été quand même, il faut avouer, un petit peu... Enfin, il y a une dissociation des activités rurales. Parce qu'on a une agriculture exportatrice à 3 km d'un marché de 10 millions d'habitants. Oui, bon, aujourd'hui, ces choses-là se recomposent. Voilà, c'est dans le sens. Et l'agriculture est un bon lecteur. Mais est-ce qu'on a étudié la décomposition ? Justement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit... Voilà. Oui, ma question, je ne voudrais pas... Disons, c'est parce que ça me tient à cœur, cet observatoire me tient à cœur, et que je pense qu'effectivement, on a beaucoup de choses nouvelles à faire émerger derrière. Donc, ce que tu as dit, je ne redis pas. Mais, dans une certaine mesure, la recherche a quand même toujours elle est toujours à côté de la plaque, dans une certaine mesure. Et on est toujours un peu... Non, mais c'est la plaque politique, on s'en fout. Je parle de moi. On est toujours à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'au moment où on étudie les choses, on les étudie très fortement sous idéologie. Sous idéologie, ce que Bernard Picon appelait le discours circulant. Le discours circulant, c'est le discours circulant qui nous fabrique nos objets de recherche. Et je pense que... Mais oui. L'idéologie dominante, c'est pas le circuit court. Mais beaucoup, ça serait... La question des circuits courts... J'ai parlé tout à l'heure de la réunion qu'on avait à la région. L'idéologie dominante, elle est encore du côté de la grande surface, du conventionnel, même s'il y a des lignes de fracture ici et là. Mais ça veut bon, dire... ça, c'est un discours politiquement partagé. L'idéologie dominante, c'est ça. Si. C'est ce qui se fait de l'agriculture biologique, etc. C'est la nouvelle idéologie dominante. C'est C'est ça la question. Bon. Non, mais pour ça. Ça me dérange. Moi, je suis assez. Alors, Claire et puis Fernando. Oui, moi, je suis assez d'accord sur, sur l'idée qu'on. On va souvent pas assez voir des travaux plus anciens qui nous éclaireraient sur des phénomènes qu'on a tendance à surinterpréter comme nouveaux. Ça, je suis d'accord avec cette idée-là. Ce qu'il faut savoir sur les circuits courts, enfin, sur les formes de circuits courts, c'est que sur la longue durée, ça diminue très fortement. Hein, tu l'as dit, hein, sur la. Et que ça se. Mais que par contre, de. Moi, je pense qu'on peut quand même parler de nouvelles formes en termes de type de lien, d'organisation, d'engagement réciproque, etc. Se substitue à d'autres formes. Par exemple, moi, dans ma région, dans le sud, c'était les ventes de bord de route dans le temps, en gros. Enfin, à la ferme et surtout de bord de route, les stands de bord de route. Ici, c'était plutôt les marchés forains. Et effectivement, bon, on ne regarde pas assez ce qui a changé ou pas dans cette substitution. Voilà. Moi, je dirais qu'il y a. Ça, je suis d'accord sur. Moi, je dirais. Mais bon. Je dirais que. Je dirais que ce qui est important, c'est d'identifier la question de derrière. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui n'empêche absolument pas, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord, l'Observatoire a deux fonctions. Une fonction de. Aide à la problématisation, disons, à des problématisations innovantes, je dirais, des problématisations. Et puis d'autre part, à la question que tu as dite, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire la question du suivi, la question des comme on dit, un observatoire, il lui faut des critères, des données, quelque chose à suivre. Bon, et en ce sens-là, ok, et à la limite, du coup, ça peut aussi. L'idée de qu'il y a des formes qui changent, hein. Ça c'est quelque chose qui est de l'ordre du suivi. Mais ma position était plutôt une position plus radicale, c'est-à-dire de dire quelle est la question qui est derrière le circuit court. C'est quoi cette question-là? J'ai à proposer une question. Tiens, Fernando, vas-y. Non, par exemple, on n'a pas les mêmes questions. En se tenant au propos de notre cher conférencier, moi j'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément avec cette vision d'agronome sur cette question-là. Ça me manquait comme optique, comme perspective. Et ça m'enrichit énormément. Parce que j'avais tendance à percevoir ce circuit court comme une expression lointaine et quasi produit archéologique, une survivance de l'agriculture paysanne, tout simplement en bordure des villes. Voilà. Finalement, l'agriculture, l'économie paysanne fonctionnait de cette manière. C'est-à-dire, on produisait dans l'économie, dans le cadre de l'économie domestique, et on vendait l'excédent. Voilà l'économie paysanne traditionnelle pure. Or, ce circuit court reprend dans sa structure, dans son noyau central, un élément de cela, dès le départ. Donc il y a une continuité en milieu urbain, un milieu métropolitain, parce que le maraîchage d'il y a 20-30 ans fonctionnait aussi dans cette logique-là. Je connaissais des ouvriers portugais venant de Mignot. De Mignot, qui avait venait directement de Mignot vers les maraîchages de la région parisienne. Et sans parler un mot de français, ils savaient tout des opérations qu'ils avaient à faire. D'accord ? Vous voyez des continuités. Là où les choses se compliquent, c'est que tout ceci devient des objets techniques. Moi, j'ai été foudroyé par les trucs, les carrés, là, les salades le long de l'année, mais ça m'a foudroyé ce truc. Ça, je sais que les paysans portugais de Mignot, il ne saura pas faire ça. Il s'est déjà fait deux bouquins annuels, c'est déjà pas mal, hein. Mais il en reste une troisième, une quatrième. Les petits lopins, ils le font. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas très loin. Enfin, oui. Pour dire que la question de l'arrière, c'est précisément des questions qui ne peuvent venir que ces croisements d'apports de disciplines différentes. La question de derrière, c'est ce qui résulte de ces confrontations. Ça doit être à l'amont. La question est toujours à l'amont. La question première, c'est dans la discipline. On part de la réalité. Parce que c'est pas en croisant les disciplines qu'on va, on va y arriver. On part de la réalité quand même. Enfin, oui, mais d'accord. Quand même. Le croisement de disciplines. Après, on pose la question. Bon. Alia, Blandine, et après, on est obligé d'arrêter, sinon on est bloqué. Voilà. Bon, je comprends bien ta préoccupation, Nicole, mais peut-être que c'était pas forcément celle de Christine en faisant sa présentation d'aujourd'hui. Donc je voulais revenir sur une question concrète. Tu as dit au départ que bon, très souvent, les circuits courts étaient le fait de fermes mixtes, de plus en plus. Donc en fait, ce sont des gens qui peut-être sont dans un modèle conventionnel et qui, à travers bon, justement c'est un contexte qui les amène, un contexte de prix, un contexte de difficulté de commercialiser, un contexte qui fait que bon, ils ont moins de main-d'œuvre ou je ne sais quoi, de mise aux normes, qui les amène à peut-être diversifier à la fois leur système de production et leur circuit de commercialisation. À partir de là, on peut penser qu'effectivement, ce sont des agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils se sont installés justement dans des formes traditionnelles. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a constaté, par exemple, en Haute-Normandie, il y a beaucoup de gens qui ont été finalement obligés de faire les choses autrement. Hein, compte tenu du contexte. Mais tu as dit à la fin que ce que tu avais observé aussi, c'est que c'était très souvent aussi des dynamiques qui étaient portées par des urbains et que ce sont des néo-ruraux qui ont suivi une formation agricole. Donc là, je voulais savoir justement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là, ou est-ce qu'on trouve les deux, ou quelle est la part de chacun des groupes dans les dynamiques qu'on observe. Et peut-être pour revenir à la question de Nicole, bon, tu dis le rapport rural-urbain, c'est la question du produit. Bon, ça peut être effectivement un élément d'exploration de la relation rural-urbain et de la manière dont elle se reconstruit, mais il y a aussi bien d'autres choses dont a parlé Christine, qui me semble extrêmement importante. C'est la question du lien social, du lien au territoire, du fait que très souvent les circuits courts, ça amène aussi à prendre en charge de nouvelles activités de commercialisation, de marketing, de services, et qui pose la question justement des compétences à acquérir pour être capable de porter ce modèle d'agriculture. Question. Peut-être pour réagir aussi à ce que disait Fernando, bon, ça me semble intéressant de revenir justement à ce que tu disais par rapport à ce que t'inspire la présentation de Christine, de savoir, tu disais, c'est en fait c'est des formes paysannes. Voilà. Et alors, une des questions, par exemple, que Michel et moi s'étions posées dans le cadre d'un article, d'une présentation qu'on vient de faire, c'est ça portait sur les nouvelles proximités producteurs-consommateurs. Une européanisation des pratiques agricoles, bon, bien entendu, point d'interrogation, et par rapport à une série peut-être de dynamiques, de processus ou d'objectifs que ces producteurs fixent pour leurs activités. Bon, très rapidement sur ta première question, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les exploitations mixtes, ce sont effectivement des exploitations qui préexistaient et où le fait d'installer un atelier nouveau correspond au phénomène que tu dis, c'est-à-dire un phénomène un petit peu contraint, choisi, contraint, on ne sait pas trop, mais enfin en tout cas, on ne peut pas s'étendre pour diverses raisons sur le plan foncier, chose que font la plupart des exploitations céréalières pures. Donc, finalement, on va mettre un atelier, et un atelier qu'on va valoriser sous forme de circuit court, de poules pondeuses, de maraîchage, etc., et qui souvent permet d'employer les pousses, de garder un salarié, hein, au moment de... voilà, c'est des choses de ce type-là. Le phénomène dont je parlais des néo-urbains, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les seules installations spécialisées, on voit des installations spécialisées, elles sont peu nombreuses dans la région, mais toutes celles qu'on a vues au cours des trois dernières années ont toutes été le fait de ces urbains qui se sont formés. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est comme c'est une dynamique. C'est quoi, ces urbains? Est-ce que tu appelles un urbain? Attends, on met la question dans Paris, intramuros. Enfin, on a plusieurs exemples comme ça. Informaticienne, beaucoup de femmes d'ailleurs. Décoratrice, etc. Alors, si on est informaticien en milieu rural, on n'est pas... Non, c'est pas ça. C'est que ces personnes-là ont complètement changé d'orientation professionnelle, ont suivi les cours du lycée agricole de Brie-Comte-Robert, sont devenus maraîchers biologiques souvent, et se sont installés sur de toutes petites surfaces avec des conventions, pas possibles, oui, mais... des communes, des machins comme ça. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment émergent. Donc moi, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue, je ne sais pas l'étudier en tant que tel, hein, mais justement, je pense que c'est un phénomène qui est vraiment intéressant. Là, justement, je voulais poser une question ponctuelle, c'est que parmi nos collègues, là, moi j'ai un collègue avec qui on a fait nos études, et Jean-Albert Guies, qui a fait sa thèse de troisième cycle un peu avant moi, et lui, il est maître de conf à la fac, qui fait de la recherche en géographie industrielle, et comme il habite à côté d'Orléans, il s'est installé apiculteur aussi, mais il vend ça de façon à lui, vraiment en disant oui, et puis c'est pas son métier principal, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça? Il y en a, oui. Ou alors, ils ne sont pas toujours faciles à recenser, parce que justement, ils ne font pas partie des agriculteurs dits professionnels. C'est ça. Donc, on a d'énormes difficultés actuellement pour définir ce qu'est un agriculteur professionnel. Vous pensez bien que, quand, par exemple, dans le cas des AMAP, ça se pose. Parfois, les surfaces sont tellement petites qu'ils ne rentrent pas dans les statistiques officielles. On a vraiment un énorme problème là, de définition des limites. Donc, oui, ce genre de cas existe. Blandine, et puis après, on sera obligé de. Pour que tout... La question, c'est pour revenir justement à des filières qui ne sont pas alimentaires, mais qui sont c'est les fameux trains des roses, donc les sursuites, la production horticole, qui alimentaient les Halles, qui alimentaient les marchés parisiens et qui ont quand même contribué au moins jusque dans les années 60-70, qui sont énormément périphériques. Avez-vous vu d'abord des formes de renouveau dans ces circuits courts parce qu'il y a des cueillettes de fleurs en vente directe, il y en a quelques-uns dans la région parisienne, et ça. Et la question auquel je pensais par rapport à la réflexion générale, c'est si ce genre de circuit court se développe. Ça peut être aussi, je pense, aux réactions au très récent reportage qui a eu un envoyé spécial sur la culture des roses au Kenya et qui commence à se médiatiser. Toutes ces questions de labels qui sont plus développées du côté des pays germano, qui parlent de la femme suisse, autrichienne, allemande, autriche, Allemagne, pour la consommation des fleurs. C'est toute une critique des modes de production lointains. Alors, c'est le lien, ça passe par le consommateur, mais c'est pas penser les circuits courts sans penser la critique de ces modèles-là, et c'est faire le lien avec la prochaine intervention, j'imagine, sur les interventions là-dessus. En deux mots, j'ai peu de données là-dessus. La seule chose, c'est que effectivement, dans les cueillettes, on voit des bouts de cueillettes, souvent, qui sont des cueillettes de fleurs, le reste étant des cueillettes maraîchères ou de fruits. Il est clair que le secteur horticole était aussi complètement laminé. En Ile-de-France, et que ça va être très très difficile de le reconstruire. Est-ce que ces cueillettes ou ces autres formes, on n'a pas pour l'instant vu par exemple de nouvelles installations uniquement horticoles, à ma connaissance. Toute petite question. Est-ce que dans les critères de proximité, on intègre des éléments concernant les intrants? Les intrants de production? C'est pas une petite question. Alors les urbains et les intrants, d'accord. Réponse, alors, 30 secondes, pas et plus. Pour moi, ça fait partie des points importants de la qualification de la proximité. Merci beaucoup pour votre science. En tout cas, je voudrais simplement dire, je plaide pour aussi qu'il y ait un véritable rassemblement, parce que quand même, dans le labo, beaucoup de gens ont travaillé sur l'île de France. Il y a une énorme quantité de labos qui est restée. On a d'ailleurs, à une certaine époque, on avait un des axes du laboratoire s'appelait Observatoire de la région Île-de-France. Je voudrais juste dire qu'on n'ignore pas ces travaux. La première intervention... Alors déjà, on n'ignore pas ces travaux parce qu'on les cite, hein, Fino, Moreau, etc., Rouy, mais... et la première intervention qu'on a faite dans le séminaire... C'est pas seulement ça. C'est antérieur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans une certaine mesure, cette question de la relation rural-urbain en Île-de-France est un véritable chantier dans lequel je trouve que ce serait véritablement intéressant qu'il y ait des Je rappelle qu'il y a un appel d'offres en cours de la région sur cette thématique. Et que vous êtes bienvenus pour faire des propositions. Non, mais de toute façon, notamment de manifestations scientifiques. Alors, dans le labo, nous avons un projet relation rural-urbain sur les capitales européennes. Donc, en plus, en comparaison. Avec Dublin, Londres, Helsinki. Non, mais c'est pour ça. Donc, si vous voulez, tu montes un projet de manifestation scientifique, si vous voulez vous donner les moyens d'inviter des collègues étrangers ou autre, va te prendre une journée, on va dire. Oui, d'accord. Franchement, c'est des petits dossiers et personne n'en propose. Sur Paris et l'Île-de-France. Bon, ben, ça va. Sur Paris et l'Île-de-France, dès demain, je vais répondre en cours. Oui, ça sera encore mieux s'il y a plusieurs labos. Enfin, là, j'enlève ma casquette. En collaboration. Donc, en collaboration. Non, mais tout à fait. Bon collaboration. Donc, moi, je suis sociologue. Je travaille à l'INRA maintenant. J'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé dans l'environnement et le développement local, notamment sur les parcs naturels régionaux. Pendant pas mal d'années. Ensuite, j'ai créé et tenu un restaurant. Et puis, j'ai fait une thèse, un beau jour, ça m'a pris, en sociologie, que je qualifierais de sociologie de l'alimentation. Donc, je travaillais vraiment sur les pratiques alimentaires. Je me suis intéressée à l'alimentation bio, mais aux mangeurs bio que j'appelle intermittents, d'autant qu'il y avait quelqu'un... ici, d'ailleurs, Christine César, qui avait fait une thèse plutôt sur les mangeurs bio-puristes, donc... Enfin, l'idée était un peu de regarder un autre côté de la consommation bio. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ces AMAP, d'ailleurs, en 2001-2002, pas en les cherchant, mais tout simplement en étudiant les pratiques de ces consommateurs. Et puis, j'ai fait un petit détour par un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est l'évolution des pratiques alimentaires dans les migrations urbaines ou internationales. Et puis ensuite, j'ai été recrutée à l'INRA, donc là, évidemment, j'ai changé d'objet. Enfin, en tout cas, les migrations, ça n'intéresse pas tellement l'INRA. L'agriculture bio un peu plus, la consommation bio un tout petit peu plus. Et j'ai été recrutée pour travailler sur autre chose, sur ce qu'on appelle la protection intégrée, enfin, plus globalement, tout ce qui est protection des plantes, donc quand même des aspects assez techniques d'évolution, disons, de l'agriculture vers des formes, on va dire, plus écologiques ou plus durables. Mais en essayant de garder un lien avec tout ce qui est question de consommation et question de débat dans la société civile, etc. Et puis en essayant de garder un peu comme, pas un jardin secret, mais enfin une petite partie tolérée de mon activité. C'est pas que l'INRA soit une prison, hein, ce qui est agriculture bio et AMAP, justement. Voilà, donc en fait, bon... Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est finalement de... Bon, j'avais appelé l'intervention, les AMAP, entre redéfinition du lien marchand et mise à l'épreuve de la démocratie alimentaire. Je vais passer en revue, disons rapidement, quelles ont été mes lectures au fil des années du phénomène AMAP, et puis un peu les questions que je me pose actuellement, mais c'est plus exploratoire, je dirais, que c'est pas un plan d'article que je vous présente là ou de voilà, c'est plutôt une base de discussion et un peu un passage en revue de questions que je trouve importantes. Donc, j'introduirai justement ces lectures possibles. Ensuite, je montrerai en quoi on peut parler d'une certaine définition du lien marchand, même si elle est, bon, on reviendra sur l'idée de nouveauté, hein, pas forcément totalement nouvelle, mais en tout cas différente de ce qu'on trouve dans les formes marchandes dominantes, entre guillemets. Ensuite, justement, je parlerai de cette cette question, bon, c'est beaucoup dans la littérature anglo-saxonne qu'on trouve ça, la notion de food democracy, de démocratie alimentaire, et en quoi les AMAP sont, se revendiquent d'être ou sont pour partie, si on adopte ces grilles, des lieux d'expérimentation de ces formes de démocratie alimentaire, donc en gros de partage du pouvoir entre les acteurs de l'agricole et de l'alimentaire. Et puis ensuite, donc là, ça sera c'est un peu le passage plus critique, je dirais, enfin, plus critique, et moins optimiste peut-être sur ces expériences. C'est la manière dont elles sont aussi le lieu de nouvelles formes de normalisation. Ou alors, nouvelles, je vais me faire en irlandais, donc de formes de normalisation. Et puis je finirai sur... sur une sorte un questionnement sur quelles peuvent être les conditions pour pouvoir parler de solidarité et d'équité à l'échelle locale à partir de systèmes comme ça. Voilà, donc de dépasser un peu ce côté asymétrie ou normalisation. Donc, bon, je pense que les principes des AMAP, tout le monde connaît à peu près, enfin, je peux dire très vite, hein, donc en gros, c'est un groupe de consommateurs qui s'engage sur la durée avec un ou des producteurs, en général sur des livraisons hebdomadaires. Donc, les consommateurs paient par avance et ne savent pas précisément ce qu'il y aura dans leur panier, donc avec un principe, disons, d'irrégularité et de partage des risques, et une possibilité, un lien direct qui est de degré variable, mais qui se passe au minimum, disons, par les distributions hebdomadaires, et puis censément beaucoup plus large, enfin plus largement, de manière plus serrée, par ce qu'on appelle en général les visites de ferme, les bilans d'année, etc. Donc, l'idée quand même qu'il y a des interactions régulières et des discussions, j'y reviendrai, sur le mode de production. Bon, les AMAP, en fait, la première... Alors, bon, ce qu'il faut dire, vous le savez, c'est qu'il y a d'autres formes qui existaient avant de panier, notamment les jardins de cocagne, qui sont des entreprises d'insertion, mais aussi des formes locales. Jardins de cocagne, il y en a un peu partout. Des formes plus locales qui sont assez similaires aux AMAP aujourd'hui. Disons que là, c'est un réseau, enfin, une... Déjà un nom qui a été déposé tout simplement avec une charte de fonctionnement en parallèle, hein, même s'il y a beaucoup de débats et du coup de scissions et de mouvements dissidents là-dedans. Mais en tout cas, c'est un nom qui est quand même des principes de fonctionnement qui ont été codifiés à un moment donné et qui du coup font réseau maintenant. Avec, c'est un peu difficile, j'ai pas refait une évaluation, quand j'en avais fait une il y a un an, j'en étais de l'ordre de 1000, alors je sais pas si ça a beaucoup augmenté depuis, mais enfin ça doit être de cet ordre-là. Sachant que c'est très inégal, ce sont les régions les plus urbanisées, où initialement les AMAP se sont plus développées, maintenant ça commence un peu à se rééquilibrer, j'en sais rien, mais à se développer dans d'autres régions, donc en PACA d'abord, et puis ensuite en Île-de-France et en Rhône-Alpes, qu'au sein d'une même région, c'est très inégal aussi, hein, en PACA c'est surtout sur la bande littorale et urbaine, par exemple, qu'on les trouve. Voilà. Donc les lectures possibles, en fait, de ce phénomène, là je parle bien du discours circulant, comme disait Nicole, à la fois optimiste en faveur d'eux ou critique, hein. Après je vais dire quelles ont été mes lectures personnelles au fil du temps, c'est que, on peut considérer qu'elles sont un indice de changement, peut-être de changement lent, incrémental, mais un indice de changement des systèmes agroalimentaires vers plus de proximité, éventuellement plus d'équité sociale. Donc c'est souvent ce que ces structures elles-mêmes, leurs acteurs, leurs protagonistes revendiquent. À l'inverse, on peut mettre en garde contre leur caractère socialement élitiste et le fait qu'elles participent finalement à une bipolarisation croissante du système agréalimentaire, hein, avec la nourriture produite par des paysans plutôt petits, voire pauvres pour les riches, et l'inverse. Et puis une troisième lecture, c'est que de toute manière, effectivement, c'est un phénomène alternatif parmi d'autres, mais que ça n'impactera pas grand-chose. Ça restera, ce qui quantitativement est relativement probable, quelque chose qui restera minoritaire dans le paysage plus global. Donc, bon, moi, mon parti, c'était plutôt de me dire, je vais essayer de comprendre ce que les AMAP, ce qu'appartenir à une AMAP change chez leur protagoniste, chez leur partie prenante. Donc à travailler sur les changements, alors bon, sous l'angle de trajectoire, parce que je travaille en général sous des approches de trajectoire, donc à la fois inspiré, disons, de méthodes de récit de vie, mais aussi d'évolution des pratiques, des ancrages dans des réseaux, des collectifs, etc. Donc, du côté des consommateurs, des producteurs et des collectifs eux-mêmes, comprendre l'évolution des collectifs sur des monographies, enfin, des zooms sur des AMAP, des groupes spécifiques. Voilà. Donc, bon, au fil de mon propre parcours, ma première lecture de ce phénomène, ça a été donc ce par quoi je vais commencer juste après, la notion de redéfinition du lien marchand et de partage des incertitudes. Donc, je vais y revenir. Et puis ensuite, à partir de 2005, dans le cadre d'un projet C3D, qui veut dire collectif de consommateurs et consommation durable, qui était un projet ADD. Donc j'ai mis le logo NR parce qu'on est obligé. Hein. Coordonné par. Mais ça, Sophie. Ça fait très très mal au cœur, ça. Non, non. Ah bon, merci. Bon. Non, non, mais bon, quand même. Donc qui était coordonné par Sophie Dubuisson-Cellier dont Christine a parlé. Bon, là, la question, en fait, c'était plus largement sur les formes de consommation durable, circuit court ou long, comme le commerce équitable. La question, je dirais, dans ce projet-là, c'était en quoi, puisque c'était dans le cadre d'un appel d'offres agriculture et développement durable, c'était en quoi l'idée que des formes d'échange pouvaient être support d'une agriculture durable, ça relevait justement pas que d'une modification des pratiques agricoles, mais aussi de la mise en œuvre de pratiques de consommation à une échelle collective. Donc c'était arriver à comprendre quelle était l'interaction entre cette mise en œuvre collective, donc vraiment l'aspect collectif de la consommation, enfin de groupe de consommation, et puis l'évolution des formes d'agriculture. Voilà, et dans ce cadre-là, avec un collègue... Christian Devers, qui est sociologue aussi à Avignon, on a fait une analyse biblio de la littérature anglo-saxonne sur la question des systèmes alimentaires alternatifs, disons, et qui, donc je vais en rendre compte un petit peu, ça sera le deuxième angle, avec ces questions de démocratie alimentaire, qui s'interroge beaucoup sur ces questions-là, quoi, en quoi ça transforme ou pas les relations de pouvoir dans le monde agroalimentaire. Et puis, disons que... maintenant, bon, j'ai pas tellement le temps d'écrire comme nous tous, mais ce que j'essaie d'explorer, c'est un peu la tension entre le fait que on peut considérer que c'est une forme de d'écologisation, hein, pour employer un mot pas mal utilisé sur, pour pas parler de développement durable. Donc d'écologisation conjointe de la production et de la consommation, il y a des changements de pratiques réelles des deux côtés, mais qu'on est en tension avec justement cette idée d'apparition de nouvelles formes de normalisation pas forcément équitable. Voilà, c'est un peu les questions que je me pose actuellement. Donc l'argument, disons, c'est à la base, très concrètement, les AMAP, c'est la construction de modes d'échange alternatifs à l'échelle de groupes locaux. Donc qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça implique. Donc c'est là que je parlais de partage d'incertitudes. Ça se revendique aussi d'être des initiatives où s'expérimentent des formes concrètes de démocratie alimentaire. Mais avec des engagements qui restent pour partie asymétriques. Donc je développerai cette question des formes de normalisation, puis je finirai sur l'idée peut-être de solidarité territoriale ou le questionnement autour de ça. Donc ce que permettent, disons, les AMAP par les principes que j'ai rappelés au début, on peut dire qu'en principe, en instituant des engagements forts entre les producteurs et consommateurs, en tout cas des engagements de durée, les AMAP, disons, prétendent à la fois redéfinir le système de consommation du côté de ces consommateurs-là, c'est-à-dire les faire aller vers une consommation plus de proximité, plus toucher aussi le régime alimentaire, hein, elle revendique beaucoup ça, et les gens qui sont dedans revendiquent beaucoup d'avoir changé leur régime alimentaire en AMAP. Et puis le système de production des producteurs, puisque une des revendications de ces circuits, c'est de maintenir ou de convertir des producteurs à l'agriculture biologique ou à des formes proches de l'agriculture biologique et disons à bas niveau d'intrants. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de revendication endogène, enfin des acteurs, à effectivement redéfinir le système agroalimentaire, ou on pourrait le dire autrement, à proposer, à redéfinir la filière du manger. Et je dis bien la filière du manger, ça c'était une expression de Jean-Pierre Corbeau, qui est un sociologue de l'alimentation, qui intègre les différentes étapes, quoi, production, distribution, transformation aussi, puisque la cuisine, la manière de cuisiner est aussi très présente dans ce qui circule dans les AMAP, hein, au travers des bulletins et voilà. Et puis donc consommation, y compris régime alimentaire. Alors, si on essaie de comprendre ce que ça change par rapport au système agroalimentaire et d'échange habituel, effectivement, on peut dire qu'on est dans une opposition, on est à l'inverse des principes conventionnels de standardisation, puisque dans le système classique, on essaie au contraire de maîtriser la variabilité des produits, alors que là, on est plutôt dans l'idée de respecter leur irrégularité, en l'occurrence à la fois des produits et de la production elle-même, hein, c'est-à-dire entre gammes de produits. Mais donc on est en opposition au principe de standardisation, évidemment de distance, je dirais, et puis d'industrialisation, bien sûr, puisque on est aussi sur l'idée de produit brut, bien que ça ne soit pas toujours le cas, mais plutôt, donc qui amène les gens à cuisiner. Et, voilà. Ça c'était dans mes premières analyses. Je décrivais tout simplement comment on était dans un recadrage, à la fois un double recadrage, disons, du lien marchand, qui habituellement, donc ça on avait travaillé ça avec Sophie Dubuisson, qui vient plutôt de la sociologie des marchés, justement, des échanges marchands. L'acte marchand, classiquement, c'est un acte individuel et instantané, en gros, et puis là on est dans un recadrage où l'acte marchand est réinscrit dans un collectif, il n'est plus que individuel, il n'est pas que instantané, puisque c'est une transaction, je dirais, sur la durée. Et bon, au-delà de dire ça, c'est l'idée que justement passer de l'individuel au collectif et de l'instantané à la durée permet de forger, d'exprimer des choix collectifs qui censément impliquent non seulement les consommateurs mais le producteur aussi. Le deuxième aspect, donc, dans cette redéfinition du lien marchand, c'est qu'il permet un partage des incertitudes. Bon, travaillant sur le bio, fin des années 90, début des années 2000, c'était beaucoup la thématique des risques alimentaires qui prévalait à ce moment-là. Donc, dans les motivations, dans les discours des consommateurs, la notion d'incertitude était assez présente. Et bon, si paradoxalement le système repose sur une incertitude, on peut dire, de base, puisque le consommateur ne choisit pas ses produits, c'est pas ce qu'il y aura dans son panier, etc. Ce que j'ai montré, c'est que le dispositif, en gros, permet d'échanger, de troquer une incertitude, des incertitudes inacceptables, par exemple celle d'un risque de résidus de pesticides dans ces légumes, contre un ensemble de certitudes jugées nécessaires, comme justement l'idée de produits non traités, mais aussi frais, mais aussi locaux, et puis d'incertitudes acceptables, donc l'incertitude sur la composition étant une incertitude acceptable. Et du côté du producteur, évidemment, c'est l'incertitude sur l'écoulement de sa production, qui était maîtrisée, je dirais. Voilà. Et puis, donc le dernier point sur ce que permet, disons, la construction de ces modes d'échange à l'échelle de groupes locaux, c'est effectivement l'idée qu'il y a certes une redéfinition du lien marchand, ce partage des incertitudes, et qu'en plus, on n'est pas que dans des liens marchands. Bon, les sociologues de l'économie ont bien montré que l'échange était toujours social. L'échange marchand est toujours social à la base, hein, il engage des acteurs, des asymétries, etc. Mais on est dans des formes spécifiques, pas nouvelles, mais différentes de ce qu'on trouve dans les échanges plus classiques, je dirais, aujourd'hui, d'interrelations. Et beaucoup, ce que j'ai aussi développé, c'est que beaucoup dans la virtualité de l'interrelation et pas forcément sa réalité. Enfin, elle n'est pas forcément performée, mais elle est virtuelle, je dirais. Voilà. Alors, je disais que j'essayais de travailler sous l'angle de trajectoire pour comprendre ce que ça changeait pour ces consommateurs-là. Donc, je vais passer vite pour plus aborder les questions de partage de la décision, etc. Mais en gros, ce qu'on a montré avec une étudiante qui a travaillé là-dessus, c'est que les consommateurs, en gros, on a quatre grands types de trajectoires. Ceux qui sont plutôt intéressés au départ, bon, c'est schématique évidemment, mais par le côté consommation locale, ceux qui viennent plutôt par le côté souci de santé, ceux qui sont déjà dans des réseaux militants et qui viennent plutôt de ce côté-là, soit par leur réseau, soit parce que le système leur plaît en tant que forme d'engagement. Et puis ceux qui viennent par hasard, et il y en a énormément, c'est leurs voisins, leurs collègues, machin, voilà. Et bon, ce qui est d'intéressant, c'était de montrer qu'au fil de ces trajectoires, en fait, on avait de tout. C'est-à-dire, on avait des gens qui étaient venus par hasard et puis qui finalement s'investissaient pas mal. On avait des gens qui étaient intéressés par la consommation locale, mais qui s'investissaient pas plus au fil du temps. Et voilà, cette origine, je dirais, et c'était bien la, entre guillemets, l'effet ou la vertu du collectif que de fournir un cadre où les gens pouvaient ne pas aller vers plus d'engagement. Bon, chez les producteurs, on a l'effet de l'entrée en AMAP, hein, je vais pas développer ça, c'est la redéfinition toujours parallèle, conjointe, enfin en général, des modes de commercialisation et des pratiques. Je dis toujours parce que les modes de commercialisation, bon... Il y a deux grands cas de figure. Il y a ceux qui faisaient déjà du circuit court et les AMAP se substituent à d'autres formes de circuit court. Et puis, il y a ceux qui faisaient que du circuit long. Et en ce cas-là, ça change beaucoup plus dans leur pratique parce qu'ils doivent se diversifier énormément. En général, ils étaient plus spécialisés, comme l'a dit Christine, et donc avec des difficultés en termes techniques et d'acquisition de compétences, etc., qui sont assez importantes. Donc, sur lesquels je reviendrai au sujet de problèmes des collectifs. Et puis donc le troisième point, consommateurs-producteurs, c'est les collectifs eux-mêmes. Donc quand on regarde une AMAP sur la durée, sur plusieurs années, on voit que les engagements collectifs peuvent varier. Alors déjà, il y a souvent une extension des contrats, c'est-à-dire des produits présents, accessibles aux consommateurs, bon, qui font que ça noue des nouveaux partenariats. Il y a surtout, dans certains cas, une articulation avec d'autres collectifs et d'autres causes, au niveau local notamment. On trouve le cas, je reviendrai sur un cas tout à l'heure en région parisienne, on retrouve beaucoup des cas autour de questions foncières, par exemple de création dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var, enfin en PACA aussi, sur des histoires de création de zones commerciales, des choses comme ça. Ces structures s'associent à des causes locales. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, mais ont une extrême difficulté, le réseau à une échelle plus large, à s'associer à des causes plus larges. Absence dans les débats du Grenelle de l'environnement, que j'ai pas vraiment exploré, mais ça c'est certainement des questions d'alliance qui ont du mal à se faire à des échelles plus larges. Dans les collectifs, ce qu'il y a d'intéressant qui surgit souvent, c'est des difficultés qui surviennent et sur lesquelles je vais revenir au sujet des négociations qui peuvent se jouer, parce que c'est quand il y a des difficultés, mais en gros mécontentement des consommateurs, c'est ce qu'ils ont dans leur panier, hein, ou difficultés du producteur, même s'il arrive à remplir les paniers, à tenir au niveau charge de travail, etc. Donc quand surgissent de telles difficultés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est renégocié, etc. Et puis donc le quatrième mode, je dirais, de changement, enfin type de grand changement que j'ai pu observer, c'est tout simplement l'élargissement des réseaux eux-mêmes, d'AMAP. Et alors là, je vous donne l'exemple, bon, j'ai pas vraiment prolongé parce que je l'avais fait en 2006, mais sur le réseau provençal, enfin PACA, la première AMAP avait été créée en avril 2001. Très vite dans la foulée, la structure, puisque de toute façon, elle a été initiée par les créateurs, les fondateurs de la première AMAP, donc la structure régionale qui ensuite, pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y ait de gros conflits, piloter un peu le réseau des AMAP dans la région. Très très vite, printemps 2002, il y a eu une première controverse dans le débat. Donc c'est là que moi j'ai commencé à avoir accès un peu à ce terrain-là, sur en gros une grosse exploitation, justement qualifiée par certains d'intensive de l'accro, donc d'une zone effectivement plutôt de grosse exploitation, qui était assez spécialisée et puis qui a été intéressée par les AMAP. Donc avec une partie des porteurs, des militants de l'époque qui disaient bah, c'est bien, c'est une manière de les faire évoluer dans leur pratique parce qu'ils n'étaient pas en bio au départ en plus, et puis d'autres qui disaient mais non, ils emploient des saisonniers en contrat OMI, etc., c'est pas tolérable dans notre système. Donc tout ça, ça a mené, et c'est là que c'est intéressant de regarder justement comment ces changements opèrent sur les structures, à la création d'une commission éthique. Ça a amené justement à l'écriture de cette charte des AMAP à laquelle maintenant est subordonné l'usage du nom, hein, même au niveau national. Le réseau a continué à s'étendre. Hein, en 2004, donc 3 ans après, on en était à une quarantaine. Il a fallu justement qu'il se structure. Donc à ce moment-là, on a créé des antennes locales, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée puisqu'il y a eu justement le début de forme de dissidence. À ce moment-là, aussi en 2004, c'était donc j'ai suivi les AG de ce réseau sur toutes ces années-là, a été voté en AG du réseau au niveau régional le principe que les AMAP devaient aller vers l'agriculture biologique certifiée à l'époque, donc le label AB. Après pas mal de débats. Mais alors du coup, comme il y a beaucoup d'agriculteurs non bio qui s'intéressent aux AMAP, bah, qu'est-ce qu'on fait pour les aider à aller vers l'agriculture bio? Donc création d'une commission agricole dans l'idée d'essayer d'apporter un appui technique à ces producteurs pour leur transition. Dont s'est beaucoup occupé, là c'est un peu un clin d'œil de ce type d'évolution, un producteur en AMAP aujourd'hui, depuis 3-4 ans un peu considéré comme exemplaire qu'on voit dans les films sur les AMAP et tout souvent, qui était comme le premier là de 2002, un de l'accro intensif à l'origine, etc. C'était un producteur de tomates à l'origine, mais qui par contre quelques années après, une fois que cette idée que on peut appuyer les producteurs dans leur évolution, etc., lui est devenu un modèle. Bon, il avait aussi une expérience, évidemment, une trajectoire différente. C'était un expérimentateur, et un leader quand il était dans son système intensif, et c'était pas le même profil. Mais donc, et puis tout ça, donc en 2006 explose, 2006-2007, avec un conflit essentiellement sur est-ce qu'on les oblige à aller vers le bio ou pas. Bon, je vais pas développer ça, mais donc maintenant il y a 3 réseaux. Bon, Mais bon, c'est pour montrer comment ces collectifs sont à la fois sur des petites échelles d'engagement interpersonnel, mais aussi sur des débats beaucoup plus larges qui les amènent à se structurer et puis finalement à se démolir aussi entre eux. Bon, je vais y venir aux questions après avoir fait un peu ce panorama de ce que ça change dans les collectifs et puis de l'évolution du réseau avec l'exemple de la région PACA. Bon, il y a des conflits dans d'autres régions, mais je les connais moins. Cette idée que ça serait des lieux d'expérimentation de la démocratie alimentaire. Donc c'est là, je m'inspire un peu des grilles de lecture proposées par pas mal d'auteurs de américains, canadiens et anglais, en gros, sur ces questions-là. L'idée que donc les systèmes agroalimentaires ou agri-alimentaires alternatifs pourraient contribuer à une transformation des rapports de pouvoir au sein des systèmes alimentaires parce qu'ils donnent plus de poids aux consommateurs. Alors, curieusement, on s'intéresse beaucoup moins aux producteurs en général dans cette littérature-là. Ils donnent beaucoup plus de poids aux consommateurs dans la définition de leur manière de consommer et de produire. Donc c'est l'idée, cette littérature reprend la notion d'empowerment, de capacitation, en français. Et comment? Oui, on dit... Et donc l'idée que par le fait qu'il y a des processus de négociation et d'échange dans ces systèmes, ça les doterait, je dirais, d'un pouvoir de transformation. Transformation des consommateurs eux-mêmes qui de passifs deviennent plus actifs, et puis ça les doterait d'un pouvoir de contestation des structures du système marchand classique et du mouvement de marchandisation. Donc évidemment, bon, on se pose la question de comment on fait le pas entre petit système et impact sur le gros, et puis changement je dirais à côté, hein, parce que c'est des systèmes alternatifs plutôt au sens de à côté d'eux et impact sur le système global. Mais donc l'argument des gens qui défendent ça, c'est l'idée que les consommateurs eux-mêmes, en adoptant d'autres pratiques, vont petit à petit faire changer le système. Alors certes, ce qu'on observe dans les AMAP, c'est qu'on a un lieu potentiel de négociation, de décision entre les producteurs et les consommateurs, que ces décisions, donc je vais donner ensuite quelques exemples de négociations, ces décisions, cette capacité de négocier et de discuter, elle se fait pas, un beau jour, elle est fondée sur des apprentissages qui sont nécessaires et qui se font de fait. C'est un des apports, je dirais, indéniables, c'est qu'effectivement, un consommateur en AMAP, au bout de quelques années, en général, il sait à peu près ce que sont les difficultés d'un producteur, pas tous, mais bon, on peut dire que globalement, il y a des apprentissages, je dirais à l'échelle collective, qui se joue donc sur... ce que vous disent les consommateurs, c'est j'ai redécouvert ce que c'était les saisons, le goût, etc. Mais je veux dire, au-delà de ça, sur les questions liées à l'agriculture, sur les contraintes techniques des producteurs, etc. C'est ce qui permet justement d'accepter les irrégularités. Donc aussi, une des interprétations proposées par cette littérature, c'est l'idée que, alors que le système dominant vise plutôt à déqualifier les consommateurs, que vendre des produits tout faits, des plats cuisinés, etc., c'est déqualifier les consommateurs, et que même afficher, par exemple, maintenant, sur l'histoire d'impact environnemental, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais l'empreinte écologique ou des choses comme ça, des aliments, c'est une forme de déqualification, parce que tu donnes une grille de lecture et pas une autre, et en plus, tu ne l'explicites pas, c'est une boîte noire, etc. Donc, bref, et que, en contrepartie, ce type de système, au contraire, peut contribuer à une requalification des consommateurs, puisqu'il y a explicitation, on est dans un échange où on peut poser des questions, comprendre, reposer la question, etc. Bon, alors, de fait, j'avais essayé de décrire un peu ce qui pouvait se négocier concrètement. Donc, j'avais travaillé sur des AMAP en création et puis plus sur le rythme de croisière, quoi, des AMAP en fonctionnement. Donc, en gros, une AMAP en création, en théorie, tout se négocie, en théorie. Bien évidemment, tout ça est relativement cadré par des outils, et heureusement dans un sens, qui circulent dans les réseaux, des guides de création d'AMAP, un système d'agrément, bon, qui varie d'une région à l'autre, mais il y a toujours un système d'agrément des fermes, une visite de ferme. Et puis pour ce qui est du contenu, donc je regarde ce qui concerne le mode de production pratiqué par l'agriculteur, et puis le contenu du panier. Pour ce qui est du contenu du panier, en général, il y a aussi un appui du réseau sur ce qu'il y a dans un panier AMAP moyen. Enfin, bon, ils ne réinventent pas le monde à chaque fois. Donc là où c'est plus intéressant, c'est sur les AMAP finalement en rythme de croisière, et notamment quand on leur demande, parce qu'en général quand ils arrivent, en PACA, même s'ils n'étaient pas en AB au départ, c'était pas très problématique, mais il fallait qu'ils s'engagent à aller vers l'AB, c'est ce que je disais sur ce qui avait été voté dans les deux ans, je crois. Donc là, quand effectivement la question se pose, là il peut y avoir des questions bien plus intéressantes. Et puis les autres questions intéressantes, c'est quand il y a un problème sur le contenu du panier. Donc sur l'histoire de aller ou pas vers l'AB, les conflits dont je parlais tout à l'heure, qui sont passés en PACA, mais on les a vus aussi en Île-de-France, j'ai suivi d'un peu plus loin, de manière atténuée, parce que comme ça s'est passé après, il y avait un peu l'expérience du Sud qui jouait. C'est en gros, on a une partie des des protagonistes qui défendent l'idée de la certification donc du recours au label bio parce que c'est une forme de garantie. Si ça existe, c'est pas pour rien. Ça permet aussi d'inscrire les producteurs dans des réseaux compétents, type les groupements régionaux d'agriculture biologique, etc. Et de fait, c'est souvent le cas. Et puis, une autre partie, dont pour ceux qui connaissent un peu le réseau, les fondateurs justement de la première AMAP et bien d'autres gens, qui défendent plutôt l'idée d'un engagement réciproque, de proximité entre producteurs et consommateurs, qui n'a pas forcément à s'appuyer sur le label bio. Parce que le label bio, bah justement, rend pas compte des questions de proximité, qu'avec le label bio, on peut utiliser des intrants qui viennent de l'autre bout du monde, biologiques certes, mais qui vont venir de l'autre bout du monde, et que finalement, le plus important, c'est d'avoir à rendre compte de son travail en face. Alors, la question, c'est que dans cette deuxième voie, évidemment, il y en a deux. Il y a ceux qui disent le label bio certifié, ça ne nous intéresse pas, mais on veut quand même un mode de production sans pesticides chimiques, sans intrants chimiques, enfin sans intrants en général. Du coup, ce qu'on va proposer, c'est de travailler sur un autre type de démarche de certification. Donc, c'est ce qui s'est passé par exemple dans le réseau régional en PACA et je crois dans le réseau régional actuellement ici, où ils travaillent sur l'idée de certification participative, bon, comme ça se passe dans d'autres réseaux. Et puis, il y a donc, on dirait, une troisième voie qui dit, mais même le bio, c'est-à-dire même le non-recours aux intrants chimiques, on n'a pas forcément à le poser comme impératif. Et après tout, c'est aux producteurs et aux consommateurs de décider ensemble localement de ce qu'ils veulent. S'ils acceptent qu'il y ait certains traitements de fait sur leurs produits ou pas. Et on a des AMAP, peut-être vous en connaissez, où certains produits sont bio, par exemple les légumes, et puis peut-être les œufs ou même les fruits vont pas l'être parce qu'on n'a pas trouvé de producteur bio. Et que c'est pas forcément à l'insu des consommateurs, hein, ça a pu être discuté, mais en tout cas on a accepté ça. Et donc là on observe des choses intéressantes où par exemple... il y a effectivement des problèmes techniques qui sont plus difficiles à résoudre sans produits chimiques. Bon, par exemple, le désherbage, hein, c'est typique. Donc, par exemple, un producteur qui dit, bon, bah, moi, quand il y a trop d'herbes dans mes carottes, j'appelle les consommateurs. S'ils veulent, ils viennent désherber. Je leur dis, sinon, je mets un désherbant. C'est comme vous voulez. Et bon, c'est pas qu'anecdotique, hein, parce que dans beaucoup, beaucoup d'AMAP qui sont pas en bio... Ça rigole pas. Dans la map qui est une des premières ici de la région et qui est assez active, qui s'appelle la map Cérès, puis qui est assez atypique, elle est dans l'Essonne parce qu'en fait il n'y a pas de maraîcher justement, c'est un céréalier bon, qui fait un peu des lentilles pour eux, du maïs, deux, trois trucs, mais qui ne fait pas de légumes. Justement, ce céréalier, qui est quand même un céréalier au départ assez conventionnel, enfin bon, même s'il est impliqué localement, mais... Et ben chaque année, en gros, il demande à ses amapiens de venir. Oui, il leur fait des pommes de terre. Surtout au départ, c'était les pommes de terre. De venir dégermer les patates, bon, les ramasser, etc. Donc, bon, effectivement, il y a il y a différentes manières de poser le truc. Et puis, alors, il y a aussi des amap où c'est des produits. Certains produits seront non bio, sans non plus qui est forcément de discussion ou de travail. Donc vraiment une diversité et effectivement quand les consommateurs sont engagés à partager pour partie certaines tâches de production, effectivement on peut supposer qu'ils se mettent à y comprendre quelque chose sur ce que c'est que l'agriculture. Et puis sur le contenu du panier aussi, on peut, là je vous raconte un peu des éléments de terrain, on peut observer des choses intéressantes. Par exemple, il y a une AMAP qu'on a suivie à Avignon où en 3 ans le même groupe a eu 5 maraîchers différents. Parce que le premier maraîcher était, comme c'est souvent le cas, un jeune pas très expérimenté qui a eu du mal, et bon là ça pose la question de l'accompagnement hein, de ses producteurs, comme montrait Christine, pour une diversification extrême à remplir son panier. Alors du coup, les consommateurs se tournent vers un producteur, au contraire ancien, un maraîcher près de la retraite, qui va un peu chapeauter le premier. Et puis, c'est les consommateurs finalement qui imposent un mode aux producteurs en disant bah, « mon petit jeune, tu n'y arrives pas, donc on va te trouver un tuteur en quelque sorte ». Sauf que ça n'a pas marché comme ça, c'est-à-dire que les agriculteurs sont... des êtres humains comme les autres, et individualistes ou pas, ils ne s'entendent pas forcément avec tout le monde, et a vraiment accepté cette idée de tutelle, donc ça n'a pas marché, donc du coup ils ont trouvé un troisième maraîcher, et puis finalement, enfin voilà, et au bout du compte, et on trouve, enfin pas souvent, mais je veux dire, bon là on est bien dans l'idée que ça ne va pas toujours de soi, évidemment, pour les producteurs de répondre à cette demande de diversité et de l'assurer sur la durée, en termes techniques, et ça ne va pas toujours de soi pour les consommateurs, d'accompagner les producteurs d'une manière qui ne fera pas rupture, en quelque sorte, en fait, qui ne va pas remettre en question leur autonomie dans leur travail. Voilà, donc du coup... Bon, ça me conduit un peu à cette idée de nouvelle forme de normalisation qu'on peut aussi rencontrer dans ces systèmes. Alors, bon, là aussi, si on revient à ce que nous raconte la littérature sur les systèmes alternatifs. J'ai parlé tout à l'heure des auteurs qui défendaient plutôt, donc je pourrais vous donner les références hein, et le texte, le côté démocratie alimentaire. Il y a aussi donc une vision bon, plus critique qui montre qu'il ne faut pas confondre en gros le consumérisme, c'est-à-dire que des choix bon, qui restent quand même des choix de consommateurs individuels, même s'ils forment des collectifs, et puis la citoyenneté, et que l'agrégation de choix individuels, même en petits collectifs, ne va pas générer des changements structurels, et qu'en gros, ces systèmes proposent plutôt une diversité de choix aux consommateurs qu'un autre système. Hein. C'est l'idée d'un système à côté, une diversité de choix, et pas un autre système. L'autre, alors là c'est pas une critique, mais c'est plutôt ce qu'on observe, c'est que le système classique ou dominant ou conventionnel, on l'appelle comme on veut, évidemment récupère entre guillemets, enfin endogénéise la critique sociale portée par ces mouvements et absorbe certaines de ces allégations. Hein, bon, c'est l'argument de Boltanski et compagnie dans le nouvel esprit du capitalisme qu'on trouve complètement là-dedans, avec les paniers.com et tout ça qu'on voit fleurir partout. Bon, qui sont. C'est clair que pas mal de consommateurs, enfin moi je vois autour de moi, font l'amalgame hein, entre ces types de paniers et puis les AMAP. Pas mal ne le font pas, hein, mais pas mal de consommateurs font l'amalgame. De fait, ces systèmes-là participent peut-être, enfin contribuent peut-être à la défense d'une certaine agriculture locale, paysanne, etc. Bon, sauf qu'on n'a pas forcément l'engagement sur le long terme, etc. En tout cas, c'est un fait qu'on observe développement de ce type de circuit, disons. Et puis, alors, surtout, le problème qui est posé par la notion, bon, et plus largement sur les circuits de proximité, par la notion de reterritorialisation, c'est que justement l'argument souvent c'est que si c'est plus citoyen, si c'est plus démocratique, c'est parce que c'est local, à l'échelle locale il y aura plus de maîtrise pour les acteurs que dans des systèmes distants. Or, bon, il est assez facile de montrer que local, ça ne signifie pas équitable, dans le sens où c'est des systèmes qui vont souvent être saisis par les élites locales, que la démocratie alimentaire, en quelque sorte, bon, ça, on monte assez facilement sur l'appartenance sociologique à ces systèmes, hein, même s'il ne faut pas non plus considérer qu'elle est totalement homogène. Donc la démocratie alimentaire, finalement, pourrait être que pour certains, que pour certaines... voilà. Et puis donc là, bon, bah, c'est ce que j'ai montré un peu au travers des exemples, c'est les risques d'asymétrie entre producteurs et consommateurs, hein, c'est ce que j'ai montré sur la question de la certification AB ou des passages difficiles sur le remplissage des paniers. On peut même, si on fait un peu de fiction, on peut même se dire qu'un producteur 100% AMAP est finalement contraint de répondre aux exigences de ses consommateurs comme il l'était au cahier des charges de la grande distribution, à la différence qu'il a un engagement de long terme et il n'a pas un contrat au cas par cas, ce qui n'est pas une différence anodine, évidemment. Donc tout ça, ça pose la question de quels sont les paysans, les agriculteurs, donc quels paysans dans le P de AMAP on veut inclure ou pas inclure, parce que... quand on parle d'asymétrie, donc on disait aussi tous les producteurs ne sont pas capables de fournir une telle diversité de légumes en s'en sortant eux en termes de qualité de travail, de qualité de revenus, enfin de niveau de revenus, etc. Et puis quel maintien pour les exploitations en AMAP, donc pareil, maintien à quelles conditions, puisque le M ça veut dire maintien de niveau de vie, de qualité de travail, etc. Donc ça c'est un autre point sur la notion d'asymétrie. Ensuite, c'est si on se tourne vers les consommateurs, finalement, qui doit définir ce qu'est la bonne alimentation et même le bon mode d'échange entre consommateurs et producteurs ? On est là aussi dans un risque de préemption, bon, enfin, je ne vais pas revenir au débat sur l'hygiénisme, mais par certaines catégories sociales, de ce que c'est. Alors là, effectivement, plutôt sous un angle militant, enfin, c'est pas les pouvoirs publics ou voilà, mais on est quand même dans une préemption par une certaine catégorie d'une définition de ce que c'est la bonne alimentation, le bon mode d'échange. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant, c'est assez peu testé, mais de voir ce qui se passe quand il y a des tentatives d'AMAP d'aller, par exemple, s'installer dans des quartiers où la culture est complètement différente et où les modes et les normes alimentaires sont complètement différents. Voilà, et puis donc pour finir sur cette vision plus critique, on peut craindre aussi que ce succès d'initiatives de ce type et plus largement des circuits courts, de la reterritorialisation, soit lié au mouvement plus général. Donc ça, c'est aussi toute une littérature américaine qui montre ça pour les États-Unis avec l'abondance des politiques de food stamps, de bons alimentaires, un mouvement plus général de transfert des prérogatives de l'État, enfin de la puissance publique vers les communautés, avec un risque de mise en concurrence de petites régions. Donc par exemple, il montre ça sur l'évolution, c'est intéressant dans les débats actuels en France, c'est intéressant à mettre en regard des cantines scolaires par exemple, qui avant étaient beaucoup plus aidées et contrôlées par l'État, et notamment pour l'accès des enfants défavorisés à ça, et maintenant sont beaucoup plus gérés par les associations de parents, et donc en gros, qui en fait, à quel endroit on en fait ou pas. Donc je vais finir sur justement les questions de ce qui peut, enfin, est-ce que on peut parler et sous quelles conditions de forme de solidarité alimentaire locale. Alors, vu que je viens d'en parler, je vais commencer par le cas de la restauration collective. Rapidement, je ne l'ai pas beaucoup exploré, mais bon, juste pour dire, et je pense que c'est vraiment... Enfin, il y a des gens qui commencent à travailler là-dessus en ce moment. Hein. Juste pour dire que... bon, ça suppose déjà concrètement, ça suppose des approvisionnements à une autre échelle, évidemment, que des ménages. Donc ça suppose des producteurs qui s'organisent autrement et qui vraisemblablement sont des producteurs plus spécialisés qui vont s'organiser collectivement pour fournir des quantités suffisantes et plus l'image un peu d'épinal du maraîcher super diversifié avec 40 légumes et 20 mètres carrés de chaque légume. Ensuite, les questions que ça pose, et effectivement là, en termes de risque, c'est la notion de capture des ressources, au sens, enfin, bon, ce que moi j'appellerais captation, est-ce que dans un contexte, par exemple, comme en Île-de-France, de manque d'offres en produits locaux, bio et durables, ne sont pas les établissements, si on parle d'établissements scolaires ou les collectivités les plus aisées, qui vont réussir à capter ces réseaux et ces producteurs, etc. Donc ça pose une question, je ne vais pas dire que c'est inéluctable, mais ça pose une question de vigilance et d'équité territoriale qu'à mon avis... qui, à mon avis, n'est pas du tout mis en œuvre dans les politiques publiques en cours de construction là-dessus, hein, cette idée d'équité territoriale. Et puis une autre notion ou risque de, enfin, problème d'équité, c'est là aussi par rapport au type d'exploitation. Est-ce que ça ne va pas aussi servir, enfin bénéficier à des exploitants, des agriculteurs s'en sortant plutôt bien au détriment que d'autres, qu'effectivement ce type de système, parce que il est plus aidé par la puissance publique, aurait pu aider ou pérenniser. Bon, la dernière question que j'avais posée, hein, c'est celle de la solidarité, l'accessibilité, je dirais, des AMAP pour les ménages les plus démunis. Bon, dans le débat, je pourrais parler un peu des expériences qui sont faites là-dessus, mais c'est un peu la question qui fâche dans les réseaux ou qui n'est pas vraiment prise de front, et ce qui est évidemment difficile à avancer. Enfin, c'est difficile d'avancer là-dessus. Et puis sinon, donc sur l'aspect local, ce qui est certainement à la fois un des champs intéressants à explorer, c'est la manière dont, sur les questions de foncier, comme je disais, les AMAP peuvent créer des alliances locales, intervenir dans les débats publics locaux, sur la restauration collective aussi, ça démarre là justement dans l'Essonne par exemple. Et ça renvoie donc à l'idée en fait, qui est je pense à questionner, l'idée que se battre pour un environnement local partagé serait une source de création de communauté. Hein, c'est l'idée de communauté de destin, disons, qui est défendu par tout un courant de ce qu'on appelle, enfin, de ce que les Américains appellent l'agriculture civique, justement, donc ancrée localement, mais au sens justement construction de débats et investissements société civile, politique publique, je dirais, l'articulation société civile et politique publique. Voilà, donc j'ai été un peu longue en fait pour brosser, disons. Donc maintenant maintenant les thèmes que j'ai envie d'explorer, hein, c'était plus pour vous présenter là où j'en étais de ces réflexions. C'est vraiment cette tension entre le potentiel, je dirais, d'évolution des pratiques, donc d'écologisation entre guillemets, et de l'autre côté le risque de forme de normalisation et les conditions un peu de solidarité locale, alimentaire ou agri-alimentaire, qui peuvent respecter des principes d'équité sociale ou pas. Merci. Merci. C'était... Donc,